21h minuit sur Énergie. La ville c'est dans la maison. Bienvenue, en même temps c'est normal de faire de la radio en parlant. Tu fais pas de la radio en faisant du mime. Attends, ça donnerait ça. Ah, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la journée s'est bien passée. Oh là là, il y a eu que du bordel, hein, j'ai appris dans les médias là. Ouh là là. Eh, moi qui gamme le foot, je suis déçu. Ah ça y est, je suis triste. Ah ouais. En même temps, je le savais, une partie de moi le savait. Lara, tu vois, tu sors de ta caverne, tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé. Non, il s'est passé quoi? Eh, gros truc, hein. D'ailleurs, bonsoir Lara, comment bonsoir, tu vas? Bonsoir Vince, mais ça va super bien. Ah, formidable. Bonsoir Nigel. Bah, bonsoir Vince. Est-ce que la vie est belle, Nigel? Bah, super, franchement super. J'ai passé une bonne journée, je suis parti au bowling et tout avec des potes. Mais j'ai perdu hier, du coup. Hier soir, il nous a dit je dois être demain à 8h du mat à l'école. Et t'as eu le temps d'aller au bowling et tout. Bah ouais, tranquille, bah, après ma pause et tout. Entre 8h du mat et 21h. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Hors de table, tranquille. Non, ouais, mais c'est du bien, coup, ça. J'ai vu que j'ai perdu au bowling, bah, je dois dire que je suis un chat de gouttière à l'antenne et que. et que voilà. C'est tout, c'est ça le défi, t'as un chat de gouttière. Chat de gouttière. Ouais, c'est un chat de gouttière, c'est-à-dire de faire miaou. Et je laisse mon doigt. Bienvenue en 1950. Voilà. Waouh, ouais, tes potes, franchement, si c'est ça le défi qu'ils t'ont donné, ça se voit qu'ils font pas de radio. Hein. Ouais, non, c'est ça en fait. Mais moi, quand ils m'ont dit ça, je dis ok, je le fais tranquille. Ah, purée, alors là, qu'ils sortent de l'IEX. Peut-être qu'ils sont en train, d'écouter en ce moment, ils sont en train de se dire oh, t'as entendu, il a dit chat de gouttière. Oh, mon Dieu, oh, t'as vu oh, comment on lui a fait une bonne blague. Oh, incroyable. Bonsoir Thibaut, comment ça va Thibaut du côté du standard? Il est en train de briefer en même temps les auditeurs, hein. Il a pas facile. Ça va Thibaut? Salut Vince, ouais, ça va super et toi? Ça va, t'as appris ce qui s'est passé dans le foot là? Non, il s'est t'as pas suivi, donc toi et Lara, vous êtes pas au courant. Non. En fait. D'accord, ok. Eddie, le courant, lui d'office. Non, t'as appris. Moi, je suis pas au courant. Moi, je suis coupé du monde là. Et vous êtes pas au courant qu'il y a eu 44 perquisitions en Belgique là. C'est pas 60. Non, moi j'ai lu 44. Ah, 44. Journal le soir, en tout cas. 44 perquisitions dans le domaine du football belge qui s'avèrent être visiblement avec des gros soupçons de corruption totale, de matchs truqués dans le football. Ouais, j'adore Lara. Il fait, oh, tu étais étonné. Comment ils ont trouvé tout ça? Bah, il y a eu une enquête fédérale en fait qui était cachée un peu et alors c'était chez l'ancien manager d'Anderlecht, Herman van Osbeek, ça a été chez Moji Bayat, l'ancien président du Royal Sporting Club de Charleroi, l'actuel entraîneur Ivan Leko du FC Bruges. C'est pas tout, hein. Il y a deux arbitres aussi qui sont impliqués. Aïe. Et là, c'est ce qu'on connaît de ce qu'il y a en tête, mais on connaît pas tous les autres. Du coup, en fait, ça remet quand même en question beaucoup de choses, genre la Coupe du Monde. Mais tout. Alors, en sachant que Sepp Blatter, il y a pas eu des problèmes, le mec de la FIFA, là, le président de la FIFA, il y a pas eu des histoires. Ouais, c'était Blatter et Platini aussi. Ouais, voilà, il y a eu des histoires. Ouais. Mais t'imagines en fait. Mais imagine que dans, je sais pas, il y a un mec qui fait une enquête de malade et il nous avère que tous les matchs du monde entier sont truqués, t'imagines? Peut-être pas tous les matchs, mais y a des franchement, les très. Je crois qu'à mon avis, il doit peut-être y avoir 1%, allez, peut-être 3% des matchs qui doivent être truqués quand même. Hein. Mais franchement. Tu sais, les matchs de bas de classement et tout, bas de tableau. Mais même truc, tu vois, les matchs de Champions League, genre Real Madrid et tout, même si je suis pour le Real de Madrid. Je pense qu'il y a certains matchs qui ont été truqués. Arrête, c'est vraiment, mais je suis sûr. Mais en fait, il y a tellement d'argent dans le foot que tu peux tout faire. Mais c'est vrai, c'est justement coup, c'est ça en fait, c'est ça l'intérêt. Est-ce que tu crois que les joueurs sont au courant ou c'est uniquement les arbitres? C'est une bonne question. Tu sais, tu peux perdre un match avec un pénalty qui n'existe pas. Hein. Mais c'est ça, non, mais après, maintenant, il y a le VAR et tout, tu vois, donc c'est. Ouais, tu peux être un peu. Attends, même s'il y a le VAR, c'est toujours l'arbitre qui a la décision finale. Ouais, c'est sûr, mais après, je pense que. Le VAR, que... c'est la vidéo assistance, au cas où il y en a qui ne savent pas. Hein. C'est ça, là. C'est la vidéo anti-rebeu. Ouais. Il est con, lui. Je ne vois pas le rapport. Donc voilà. Lara, tu veux dire quoi? Non, rien, justement. Est-ce que c'est les arbitres ou tu penses qu'un match truqué, c'est quoi? C'est tous les joueurs qui sont au courant? Non. Non, il faut mal jouer. Non, c'est trop compliqué. Il paraît que si tu veux garder un secret, il doit être su par. C'était quoi les statistiques? Par moins de 4 personnes. Ouais, c'est ça, ouais. Si jamais tu donc dépasses. L'entraîneur, l'arbitre, le président du club. Par exemple, et encore. Et peut-être un joueur. Ah non, il peut y avoir plusieurs arbitres parce qu'il y a les arbitres de hors-jeu, etc. Ouais, les arbitres de touche, etc. Mais encore, quand tu dis 4, ça peut être uniquement. 4 joueurs, genre qui. Enfin, le président, il peut ne pas être au courant, l'entraîneur aussi, tu vois. Ce serait flag. Je crois que les joueurs, c'est les premiers qui vont être dégoûtés parce que. Sauf s'ils gagnent plein de tours. Ouais, c'est chaud, hein. Tu sais, quand un joueur de foot, je précise un truc, il n'a pas le droit, même si le mec, il est droit dans ses bottes et qu'il joue au football correctement, il n'a pas le droit de parier sur son match. Ouais. Mais c'est normal. Oui, c'est un délit d'initié, du coup. Un délit d'initié. Bah, tu m'apprends un terme, Lara, vas-y, explique-moi, c'est quoi un délit d'initié? Un délit d'initié, c'est-à-dire que. Normalement, si t'es dans un dîner, etc., et que t'as acheté des actions d'une certaine société, que tu te renseignes sur comment va la société, etc., machin, et que t'enlèves tes billes ou tu remets plus de billes, etc., ah ouais, ça s'appelle un délit d'initié. Ouais, c'est juste parce une personne qui est dans le secret, en fait. Oui, mais bon, enfin, c'est des maintenant. Personnes qui se parlent de leurs intérêts communs, mais voilà. Mais tu sais, moi, je sais pas, ça motiverait un joueur de foot de parier sur son propre match pour sa victoire. Ouais. Non, et mais. Se dire, si je gagne, je me fais trois fois je me fais encore plus de salaire, je sais pas. Enfin, je gagne déjà bien les joueurs. Tu sais que les matchs de corruption, c'est un truc de ouf. Moi, j'ai un de mes cousins qui est professionnel. Ouais. Et il a une fois rencontré un mec chelou dans un magasin de smartphone. Donc je dirais pas le nom, mais voilà, c'est des magasins où il y a une pomme qui est croquée. Et en fait, le mec, il a vu mon cousin et il savait qu'il jouait au foot. Allez. Il lui a dit, ouais, si ce week-end vous perdez, tu viens dans le magasin la semaine prochaine, tu prends tout ce que tu veux. C'est une blague, il a perdu, j'espère. Et mon cousin, il a dit, ouais, t'inquiète. Et il a pas fait perdre le match, bien évidemment. Ah, ok, d'accord. Mais du coup, mais c'est chaud parce que t'as quand même un mec qui a dit, perd le match et la semaine prochaine, il vient récupérer tout ce que tu veux. Parce que même si le mec, il a pas volontairement perdu le match, et s'il y a une vidéo qui sort de ça, c'est foutu, c'est la merde. C'est ça. Ah ouais, c'est chaud. Ouais, il avait intérêt à le gagner. Ouais, voilà. Enfin voilà, les amis. Moi, je vous avoue, bon, je savais quand même depuis un moment, il y a eu une affaire avec un Chinois, il y a 10 ans de ça, il y a plus de 10 ans. Un Chinois qui a retourné toute la division 1 belge, fin de tableau, division 2, ouais. Parce qu'il a truqué des matchs et on faisait des paris depuis la Chine, tu vois. Chinois. Oui, non, mais tu sais que n'importe quel pays, tu peux parier sur des matchs de foot. Moi, par exemple, nous, en Belgique, on peut parier sur un match de foot qui se passe en division 2 sénégalaise. Ah, hein, ouais, c'est ça. Mais après, dans ces pays-là, enfin la Chine et tout, il y a beaucoup de bandes organisées, hein, des bandes, enfin ouais, des criminels, de ouf, quoi. De ouf, grave. Est-ce que tu peux avoir le téléphone, s'il te plaît? Ah, merci, c'est gentil. Parce que j'ai pas vos messages sur WhatsApp, les amis. J'y arrive d'ici quelques instants. Ah ouais, non, j'ai pas activé mon WhatsApp sur mon ordinateur, en fait. C'est pour ça. Donc. Et toi, t'as passé une bonne journée, Vince? Impeccable. Fatigué, crevé, les amis. Alors, t'es rentré en vélo hier? Ouais, ça s'est passé comment? Mais ça s'est très bien passé. Je suis étonné que j'ai mis beaucoup moins de temps en vélo que ce que je mets en voiture. Alors que pour ceux qui connaissent Bruxelles, on est à Evere, donc au nord-est, et je devais aller en Dordrecht, donc au loin. Sud-ouest. Et effectivement, j'ai dû traverser la ville de part en part, donc c'était plus ou moins 38 minutes, Google Maps disait. Voilà. 40 minutes, quoi, peut-être. Ben, je l'ai fait en 37, voilà. Bravo, ouais, bravo. 36. C'est agréable ou pas, où il y a beaucoup de montées ou descentes? Il y a des salles montées, des salles descentes, mais en fait, c'est super agréable, il n'y a pas de pollution. Ah ouais. En fait, il y en a beaucoup moins. C'est-à-dire, la nuit, il y a plus rien. C'est-à-dire, le vent a balayé, tu vois, et en journée, laisse tomber, t'es essoufflé dans la montée parce que tu te ramasses les pots d'échappement et tout. Mmh. Et puis t'as que des feux rouges et les voitures sont méga dangereuses, donc tu fais pas gaffe. Non, là, franchement, c'était cool. Donc voilà, pour ceux qui ont suivi l'histoire sur Insta, parce que il y avait toute cette question de tiens, combien de temps je vais mettre et on tout a ça. Pensé à toi, hein. Voilà, ça fait plaisir. Merci les amis. Je réitérerai ça peut-être demain. On va voir si je suis en forme, parce que je vous dis pas comment j'étais crevé aujourd'hui. On rappelle que tu fais ça pour rien du tout, c'est que tu as envie de participer au semi-marathon de Bruxelles. Ouais, c'est un petit défi là, de faire le semi-marathon de Bruxelles et voilà, il a lieu dans quoi? Dans 3 semaines. Ouais, mais le mec s'y prend là, quoi. Et je m'y prends maintenant, en fait. C'est très bien, mais ouais. Bravo, mais on adore ton optimisme. Ouais, merci. Non, c'est bien. Vous allez surtout me voir. Tu sais quoi, je vais faire une photo avant, après, parce que j'ai déjà fait 20 km. Et laisse tomber, je crois que la dernière fois que je m'étais pesé avant et pesé après, 6 litres. Oui, je me souviens. 6 litres. 6 litres. 6 litres. Et du coup, ça fait combien de kilos? Comment tu sais? Bah, ça fait 6 kilos, tout ça. Enfin, d'eau. La gueule. Hein. Mais non, mais 6 litres, ça fait pas 1 kilo. Enfin, 1 kilo, ça fait pas 1 litre. Hein. Si, bien sûr. La 1 litre d'eau, ça fait 1 kilo. Hein. Excuse-moi, tu vas te retrouver en pub, mec. Ah, je savais pas, non, franchement. Attends, tu savais pas qu'un litre, c'était égal à 1 kilo? Ah, bah bravo. Je savais pas du tout. Bah voilà, comme ça, tu sais. 1 kilo de plume et 1 kilo de plomb, lequel est plus léger? Ben le plomb. Et merci pour vos messages. Il y en a beaucoup qui sont là. Alors j'ai pas l'occasion de les lire, mais en tout cas, salut à Ryan qui est là, à Julien, à Lisson aussi, à Najat, à Tabo, à Zamo aussi. Vince, le foot c'est qu'une question d'argent. Ça fait peine à voir. Ouais, tu sais, je pense à tous les gens qui vont voir les matchs. Bah ouais, c'est sûr que c'est une vache à lait. Hein. Il y a Mirgoui qui est connecté aussi. Il y a Maxime qui est là. Il y a Firmin. Il y a Lison. Il y a David. Il y a Dempsey. Rodrigue. Leïla qui est là aussi, qui est connecté. Salut à toi, Leïla. Tout le monde. Bisous. Merci d'être connecté, les amis, sur le WhatsApp 0492 222 002. Il y a DNK aussi qui est là, Cédric, et Kevin VTH14 qui est dans la maison. PNO, comme d'hab, il est toujours là présent. Et ben franchement, merci pour tous vos messages. Ludivine aussi est là. Et les amis, bon ben voilà, on parlera de foot peut-être un peu plus tard. On va suivre cette affaire de près. Hein. Bah, vive le foot quand même. Voilà, il n'y a pas de doute. On s'en fout un peu. On s'en fout un peu. Oh là là. Non, mais attendez, les amis, vous avez entendu parler de cette histoire là? Quoi? Ah, une histoire avec une autre histoire. Ah, oh, bah il y a des histoires, j'en ai plein. On doit plein, entendre moi. Parler de plein d'histoires, mais j'entends rien du tout. J'arrive dans cette émission et je veux Lara entendre. Découvre, je me rappelle, Lara, elle a découvert toutes les histoires. À chaque fois qu'il y a eu un attentat, elle a découvert dans l'émission, ouais, Lara. Non, mais en fait, Lara. Salut, bonjour. Le 16 mars en Belgique, là, c'était le 16 mars, on est d'accord. Ouais, le 22. Ah, pardon, le 22 mars. Non, c'était un autre, c'était celui de en France à Charlie Hebdo. Ouais. Celui-là, j'avais pas, j'arrive, j'étais genre super, ouais, salut tout le monde. Et puis Vince s'est fait, putain, tout le truc qui s'est passé, je dis quoi, il s'est passé quoi? Plus personne ne dit rien du tout, tu me l'as annoncé à l'antenne, j'étais là. Ouais, ouais. Ah non, mais c'est complètement. La race, toujours ça. Non, mais. Ah, ben oui, j'y arrive. C'est quoi? Vous savez, je sais pas si vous avez appris en France, là, une aide. Enfin, il y a une personne qui a été licenciée, là. Pourquoi faire? Une personne qui faisait de l'aide à domicile a été licenciée. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Bah parce qu'en fait elle a tourné dans un porno. Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Bah je sais pas, enfin le fait, ça dépend avec qui elle a fait. Moi ça m'a un peu choqué l'info. Alors je me dis bon d'accord, aide à domicile, tout ça. Mais en gros, la personne était employée, avait participé à un film pornographique de 53 minutes. Ah quand même, elle a de l'endurance. Voilà, qui est facilement accessible, hein, visionné plus de 800 000 fois sur le net et tout ça. Ah, et du coup, quoi, et je sais pas, alors aide à domicile, hein, les personnes âgées, tout ça. Et en fait elle a été licenciée. Alors il y a eu tout un boxon, c'est parti au tribunal et tout. Et moi je me suis posé la question, quand tu fais du porno, est-ce que t'as le droit d'être licencié de ton taf en fait ? Bah mais ouais, normalement ouais. Je sais pas, moi le truc que je me dis, c'est qu'à partir du moment où la personne l'a licencié, c'est une personne qui l'a vue. Ça mate. Je sais pas si tu te rappelles, on avait rencontré Nikita Bellucci. Oui, une actrice, effectivement. Une actrice porno qui nous avait expliqué qu'elle voulait faire une formation, etc., changer de vie, c'était son passé, et qu'elle avait vraiment du mal, quoi. Ouais, elle s'est fait virer de son école et tout. Mais elle s'est fait virer de son école. Carrément, elle, c'était de son école. C'était un truc assez dingue. Donc voilà, une femme qui a été virée de son job après avoir tourné un film X. Il n'y a pas eu de faute professionnelle selon la justice et tout ça. Et donc ils ont estimé. La justice a été rendue que c'était un licenciement qui était abusif pour le coup. Donc elle a eu des dommages et intérêts. Donc, mais voilà. En vrai, c'est vrai, parce que moi je pense que ça nuit pas à l'image de la marque, parce qu'au final elle n'était pas liée à cette marque avant, tu vois. Quelle marque ? Ah, elle travaillait pour un truc de télé-service, genre. Oui, voilà, c'est ça. Ils ont des. Ouais, bon. Mais non, ça salit pas la marque. Voilà, t'es pas public, ton nom est pas public. Genre, attention, le champion des titres service, voici Lara Bel Rose. Mais c'est pas ça, j'ai pas fait de porno, moi. Pardon. Non, mais tu vois, c'est pas comme si elle avait fait genre l'amour avec la marque qui était affichée quelque part, tu vois. Ouais, non, donc c'est je ça. Je pense que, enfin, ouais. C'est ouais, ça, elle a pas tourné ça dans un cadre où elle faisait les titres service. Oui, mais c'est juste les gens sont gênés quand ils apprennent ça, je sais pas, ils arrivent pas. Et justement, je m'étais demandé, alors, les amis, est-ce que vous avez déjà été viré de quelque chose, d'un job, d'un travail, que ce soit intérimaire ou sur le long terme, mais en fait, vous avez été viré pour pour une raison un peu à la con, quoi. Ouais. C'est quoi, toi, Lara ? Bah écoute, c'est mon unique taf dans le monde un peu normal, on va dire. C'est-à-dire que j'avais 18 ans et j'étais, je sais pas, étudiante et je travaillais chez Grand Optical. Ouais, je vendais des lunettes. Et elle a balancé la marque, hein. Boum. Ok. Mais non, mais c'est pas grave, c'était très très bien, etc. Sauf qu'en fait, je recevais plein de pourboires. Ah bon ? Ouais. Normalement, tu peux pas percevoir. Ben les gars, me donnaient des pourboires. Je sais pas comment est-ce que ça se faisait, mais. Normalement, t'as pas le droit d'accepter, tu vois. Des pourboires pour vendre des lunettes, frère. Trop chelou. C'est vrai, c'est vraiment bizarre. Mais c'est parce qu'en fait. Donc les lunettes coûtaient par exemple 250 euros, la personne te donnait 300 euros. Et je veux pour la vendeuse qui m'a conseillé, parce que je conseillais les gars. Les meufs, et les meufs. Non, ça vous va pas, ouais, avec ça que vous êtes sexy et tout. Non, voilà, c'est un petit coup de pouce qu'on te filait, quoi. Coup de pouce, mais. C'est drôle, ça se fait en Oreca. C'est normal en Oreca de recevoir de ça, mais j'ai pas l'impression que travailler dans un comptoir, c'est. Mais quand tu payes tes lunettes en cash, des lunettes de soleil pour 300 euros, parce qu'il y avait des super belles lunettes, le gars il dit voilà, je vais garder la monnaie, et je vous donne 10 pour la fille. Ah, 10 et pour la fille. Et du coup, les meufs qui étaient là, qui avaient 40 balais et qui me voyaient, j'avais 18 ans. Ah, la jalousie. Ah, bah oui, ça, la jalousie, malheureusement. Et donc, du coup, t'as été virée ou pas ? Ouais. Ah, carrément, ils t'ont virée parce que tu percevais des pourboires. On voit plus dans la vente de vêtements. Oh là là, la haine, quoi. Vraiment, c'est incroyable. Et du coup, t'allais vraiment boire quelque chose ou pas ? Je ne répondrai pas à cette question. Alors, Vince, même pour les enfants, c'est que l'histoire. Ah oui, football pour enfants. Vince, moi j'ai été filmé à mon insu dans l'atelier avec ma patronne. Dis pas mon nom. Ok, j'espère que j'ai pas dit le nom avant. Hein. Filmé à ton insu dans l'atelier avec ta patronne. Mais tu faisais quoi avec ta patronne ? Tiens, il y a un âne qui passe dans les couloirs. Ah ouais, salut. Incroyable. Dites-nous, racontez les amis, WhatsApp 0492-222-002. Est-ce que vous avez déjà été viré pour quelque chose qui n'était pas lié au travail, ou alors pour voilà, vous avez peut-être fait une connerie, je sais pas, hein. Ou alors que c'était un petit peu injuste. On en parle avec Julien qui est dans la maison. Allô Julien, bienvenue Julien. Allô. Ah merde. Bonjour, Julien dans la maison. Maintenant on t'entend bien. Ça va Julien? Ça va, ça va. Julien, t'as été viré parce que t'as fait quelque chose, c'est ça, hein. Mais il faut pas dire quoi. Oui. Voilà. Oui. Est-ce que tu regrettes ou pas ? Quand même, ouais. Ah merde, ah putain, ah ouais. Ah, tu regrettes ? Ouais. Bah écoute, Julien, tu nous en parles dans quelques minutes, ne bouge pas. Essaie de deviner pourquoi il a été viré. Il a été viré de son job parce qu'il a fait quelque chose qu'on parfois on peut faire dans un lieu de travail. Quoi, là ? Ça m'est déjà arrivé. C'est juste après. Aya Nakamura avec Copine. Il y a également Lobo qui est là. On va parler avec Lobo dans quelques instants. Bienvenue sur NRJ. Et bon réaction. 0492-222-002. Trop tard. Je suis trop loin pour toi. barré, mais t'en veux encore. T'as du froid frisé dans le mix. Voudra trouver un alibi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard, je suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux que bomba. Vince est sur Énergie. Ah, ok, bienvenue sur Énergie. Ça va bien tout le monde, tranquille. Vince, ça va ? Ouais, maison ! C'est bon ça. J'espère que ça va bien les amis, que vous avez passé la plus belle journée de votre vie. Oh, peut-être pas, peut-être qu'il y en a qui vont se dire oh, je sais pas, je regarde un petit peu, je me dis non. Non, la journée n'était pas spécialement belle. La plus belle journée de ta vie. Ta vie. Ta vie. Je rappelle un truc important, c'est qu'aujourd'hui il a fait beau et que ce week-end il va faire 26 degrés. Donc. Profitez-en. Oh, hein. 26 degrés. Ah, oui. Bon été. Hein. Ah, ça, ouais. Si c'est la partie du réchauffement climatique, je lui fais un check quand même. Mais quand il va faire 53 degrés en été. Ah merde, non, là ça va être galère. Hein. On salue Esther qui est connectée. Vince, c'est pour te dire que maintenant ma situation a empiré. Mais de quoi ? Je ne sais pas de quoi tu me parles, mon pote. Il va falloir m'expliquer. Je tiens à préciser, quand vous m'envoyez des messages sur le WhatsApp, parfois, vous prenez des conversations. Genre qu'on a eu hier, mais il y a vraiment, il y a des milliers de messages, les amis. Il va falloir faut me recontextualiser parce que je sais pas scroll up et scroll up, c'est-à-dire mettre la molette pour le haut pour retrouver notre conversation. D'ailleurs, si jamais vous voulez faire partie de l'aventure de l'émission Vince 21h sur Énergie, eh ben il y a pas de problème. Il suffit tout simplement de nous envoyer un message sur le WhatsApp. Comment faire ? Ben vous ajoutez le numéro à vos contacts. C'est le 0492 222 002. Les amis, ouais. On récupère Julien. Julien, est-ce que tu nous reçois, Julien ? Oui, je vous reçois. Ah, Julien, ta maison ! Julien, mon pote, c'est triste parce qu'il nous a dit qu'il regrettait ce qui s'est passé. On a parlé d'une femme là, qui se fait virer de son job parce qu'elle a tourné dans un film X. Et du coup, je lui avais posé comme question, est-ce que vous avez déjà été viré pour quelque chose qui n'était pas vraiment lié au travail ? Ou alors, est-ce que vous avez déjà été viré pour une petite connerie que vous avez faite ? Ou une raison abusive aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé avec toi, Julien ? Raconte-nous. Ben, moi, en fait, je faisais une formation en cuisine. Et alors, j'ai connu quelqu'un sur mon lieu de travail. Mm-hmm. Et en fait, j'ai été dans les toilettes et j'ai eu des rapports sexuels avec la personne. Et bam! Ah ouais, c'est chaud! Et bam! Je me suis fait dénoncer par quelqu'un, le patron est arrivé. Bah, attends, t'as été dénoncé par qui? Par un des collègues. Oh, le jaloux! Mais franchement, aller dénoncer quelqu'un qui a. Allez, attends, t'es envoyé en l'air avec une cliente ou avec quelqu'un qui tu travaillais? Non, quelqu'un que je travaille en fait. Mais même, et que ce soit une cliente ou quelqu'un qui travaille, droit, voilà, ouais. T'as pas le droit. Bah, si la ken, si l'envie de la ken. Normalement, sur le lieu de travail, normalement, t'as pas le droit. Maintenant, bon. Non, ça dépend de ton travail. Ça dépend de ton gars, exactement. Ça dépend de ton boulot. Si c'est ton bureau à toi, que t'as ton bureau à toi, c'est un petit peu. Voilà, si t'es ton propre patron, bah alors ça va. Des choses qui se font, mais qui ne se disent pas. Mais juste une question, Julien. Vous étiez consentants tous les deux. Enfin, toi, tu le voulais. Oui. La personne le voulait aussi, on est d'accord. Ouais. Est-ce qu'elle s'est fait virer? Elle s'est fait virer aussi. Ah, ok, bon, moi c'est juste. D'accord. C'était dans quel domaine, Julien ? En cuisine. En cuisine ? En cuisine. Genre grande cuisine, un grand restaurant ou pas ? Non, c'était centre de formation et tout. Ah, attends, t'as fait ça dans le centre de formation ? Ouais. Ah oui, mais c'est comme à l'école, je crois que si jamais. C'est ça la question, je voudrais savoir s'il y a un éducateur qui nous écoute ou pas. Est-ce que si jamais tu as une relation sexuelle à l'école, est-ce que tu te fais virer ou pas ? Bah oui. Bah, je sais pas, je pose mais la question. Mais ça dépend les écoles, ça dépend le directeur, ça dépend. On dit ben oui, mais genre, on t'a chopé dans les toilettes, voilà. Est-ce que t'es viré ou pas? Non, mais c'est une question, c'est important. À l'école. Ah, mais d'office, t'es viré. Normalement, t'es viré. Je pense que normalement, t'es viré. Ah, mais à l'école, tu kennes, t'es fini, frère. D'accord, mais bon. Si tu te fais attraper. Ouais, bien sûr, si tu te fais attraper, on est d'accord. Ouais, hein. Si tu te fais pas attraper, après, tu finis dans la fille, c'est différent, tu vois. Oh bravo. Bon, maintenant, Julien, c'est dommage, hein, voilà, une petite partie de jambes en l'air, et puis ça y est, ça a foutu le boxon. Par contre, je trouve pas ça cool qu'il ait été balancé quand même. Je veux dire. Mais surtout qu'en plus, c'est pas pris sur le fait accompli. Oui, alors c'est ça aussi. Il y a quand même quelque chose d'étonnant. Quand t'as été viré, le mec qui t'a balancé, c'est une personne qui t'a pris en flagrant délit ou alors à qui tu en as parlé ou qui l'a entendu? Non, il m'a pris sur le fait. Ah aussi. Ah, il t'a pris comme ça sur le fait, d'accord. Pourquoi il t'a vu en train de le faire? Ouais, pour moi, il a entendu le bruit dans les WC. Voilà. Ah, mais attends, il a entendu le bruit, tu peux entendre un bruit, mais il s'est pas forcément passé quelque chose. Hein. Il a vu quatre jambes aussi qui dépassaient en dessous et il a compris que c'était. Mais franchement, mais c'est quoi ce genre de balance, quoi? C'est un truc de dingue. Du coup, il y a Titi jambes. Qui nous dit en formation, il y a toujours des balances. Non, mais alors, qu'est-ce qui est le plus grave? Qu'il était balancé ou alors qu'il était viré? Enfin, ou qu'il ait fait l'amour, je veux dire. Qu'il se soit envoyé en l'air sur le bureau ou alors qu'il était balancé? Moi, je pense que c'est juste qu'il ait fait au boulot, parce qu'au final, il aurait pu l'avoir après le boulot. Non, mais franchement, le faire au boulot, c'est aussi interdit que ça. C'est dégueu, parce qu'il travaille dans un resto, non, c'est ça qu'elle a dit. Non, il est en formation. Mais en formation, mais du coup, c'est dégueu, frère, quand même. Bah, des toilettes, c'est dégueu. Ouais, ben ouais, déjà ça. Alors, lorsqu'on te. Il y a un message de Zoubi qui nous dit lorsqu'on te chope dans les toilettes, dans la toilette des femmes pour. Oh, attends, oula. Lorsqu'on te chope dans les toilettes des femmes, t'es radié du centre de formation direct. T'as fait ça dans les toilettes des hommes ou des femmes, Julien? Femmes. Oh voilà, putain, merde. Ah, c'est peut-être pour ça. Et ça peut être un motif de licenciement. Ah oui? Ouais, si, effectivement. Attends, c'est une blague. T'as pas le droit, normalement, t'as pas le droit. Ils auraient fait ça chez les mecs, il y aurait pas de problème. Bah, je ne sais pas, vu qu'elle a été virée aussi, tu vois. Et d'abord, qu'est-ce que l'autre mec, il faisait dans les toilettes des femmes? Mais oui, mais exactement, mais c'est vrai ça, Julien. Ah, je me pose la question aussi. Ah, ça veut dire qu'on va le crier fort alors, peut-être. Ah, mais non, mais déjà ça, et en plus, t'aurais pu le faire virer à lui aussi. Franchement, je pense que Julien est tombé sur quelqu'un. Tu sais, t'as des gens comme ça. On dirait qu'ils ont, je sais pas expliquer, ils ont la balance en eux. Ouais. On dirait que s'ils étaient en 39-45, ils auraient balancé tout le monde, je te jure. Ouais, à la radio, ils ont des snitchs. Voilà, des snitchs, des balances. Comment est-ce qu'on appelle ça encore? Un autre terme. Des ouais, c'est ça. Vous savez quoi? Franchement, lorsqu'il y a quelqu'un qui. Franchement. Il faut pas balancer, les gars. Non, mais là, il y a un message qu'il faut dire aux gens, là. Ça dépend pourquoi. Bien sûr. Ça dépend pourquoi. Si t'es témoin d'un crime grave, ok. Bah non, là, tu balances pas, ça. Non. Si. T'es témoin d'un crime grave avec meurtre. Voilà. Maintenant, c'est aussi la question, on en parlera dans une émission. Mais est-ce que tu balances ton pote qui vient chez toi en te disant j'ai déconné, il faut cacher un corps? Balance ton pote. Hein? Non, mais moi, par contre, il me dit cache ton corps avec moi. Je dis gros, déjà. Nigel, moi, je viens de voir, j'ai un corps. Je fais Nigel, putain, j'ai déconné et tout. Tu me balances ou pas? Je te balance pas, mais je te dis, gros, débrouille-toi. Moi, j'ai pas entendu ce que tu viens de me dire. Ouais, mais t'es au courant, donc t'es complice. Mais non, parce que je sais pas ce que tu viens de me dire, j'ai pas compris. c'est chaud quand même. C'est chaud, normalement, il faut le dire. On devrait appeler l'avocat. Pour savoir. Parce qu'on a les coordonnées de l'avocat pour avoir plus d'infos, ce serait bien d'en parler avec lui. Mais par contre, c'est vrai que c'est quand même étonnant. Hein. Julien, t'as été viré d'un endroit où le mec n'était pas supposé être là non plus. Hein. C'est pas logique. Hein. Tu vois. Donc, il y a un petit truc chelou. Il y a un bug dans la matrice. J'ai une question. Est-ce que vous êtes revus après? Non. Ah, ça s'arrêtait là. Ah, donc c'était juste pour le plan, quoi. Voilà, ouais. Non, mais c'est peut-être aussi qu'elle a peut-être pas trop kiffé. Tu vois. Genre, c'est ta faute qu'on soit fait virer, mais merde. Ta faute, elle l'a voulu, non? Mais attends, t'étais. Elle l'a eu, non? Et Julien, t'étais casé ou pas? Non, j'étais célibataire. D'accord, ouais, elle était célibataire aussi ou pas? Aussi. Bah, purée, vous auriez pu attendre et faire ça dans un hôtel, mais hein, merde. Clairement, même pas dans un hôtel. Oh là là. Pauvre Julien. Mais par contre, tu sais quoi, j'ai envie de te donner le nom du mec qui t'a balancé, mais on fait pas ça en radio. Mais parce non, le que pauvre, il y a un peut-être contexte. Très frustré ou je sais pas. Ouais, franchement, quand tu te fais balancer parce que t'es envoyé en l'air avec quelqu'un. C'est quelqu'un qui aime pas ça. Franchement, moi, je croise quelqu'un à l'énergie ou n'importe quel taf et j'en ai grillé mais des toi, mecs. Toi, tu t'ouvres Instagram. J'en ai grillé. Je te jure, non, franchement, je fais un check aux deux, la meuf, le mec, check les gars, amusez-vous bien, je vous laisse. Franchement, je vous laisse tranquille. Bah, ouais. Non, mais je te dis pas le nombre de potes qui ont fait ça dans des endroits, ils allaient se faire griller. Et à chaque fois, je dis, allez les gars, tranquille. Je veux dire, c'est beau, c'est l'amour, tu vois, c'est magique, c'est cool. Alors maintenant, oui, l'institution, faut le respecter et tout ça. Je veux bien, oui, d'accord. Et des fois, d'accord, le désir, faut attendre. Le désir est plus fort. Mais on sait tous que le désir, parfois, nous amène à faire des choses qu'on ne maîtrise pas, malheureusement. Merci Julien, bon courage à toi pour la recherche du nouveau taf. Hein. Sauf si t'en as déjà un. Salut Julien. Ici, j'ai trouvé un boulot, je suis en toiture. Ouais, mais pas dans les toilettes. Ouais, c'est ça, en fait. T'envoies pas en l'air sur le toit. hein. Non. Allez, bisous, bonne soirée. Hein. Bonne soirée. Salut, allez, ouais. Bye bye. Putain, j'ai fait une blague malgré moi, t'envoyer en l'air sur le toit. Oh, putain, magnifique. J'ai pas fait exprès, je me suis même pas rendu compte, merci. C'est une blague, merci. C'est gentil, oui, vous me dégagez. Bravo, Julien. Je vous adore. Le son de David Guetta, tout de suite sur Énergie, avec Anne-Marie, ça s'appelle Don't Leave Me Alone. Juste le temps d'introduire Lobo dans le standard. Salut Lobo. Salut. Yo, Lobo est dans la maison. Est-ce que t'aimes te faire introduire par Vince, Lobo? Ouais. Mais il est 21h26 là. Bah, introduire dans le standard, hein, on dirait que sur Énergie. Lobo, t'as quel âge, tu viens d'où? Moi, j'ai 29 ans et je viens de Luxembourg. Luxembourg est dans la maison. Il y a beaucoup de Luxembourgeois qui nous écoutent. Toujours pas de musique pour Luxembourg d'ailleurs. Lobo, toi, t'as été viré pour une autre raison. On en parle juste après. Et je tiens à vous rappeler que ce soir, gros sujet là, tout à l'heure dans l'émission. Mais surtout le dragophone aussi qui va venir. Yeah. Et le kiff ta mère. Attention, kiff ta mère, nouveau truc. Hein. Ah ouais, il va se passer un truc dans le kiff ta mère ce soir. On en parle pas trop parce que voilà, mais gros truc dans le kiff ta mère ce soir. Le principe du kiff ta mère, c'est quelqu'un qui appelle son pote ou sa copine pour lui annoncer, bah écoute, j'ai des sentiments pour ta mère. Voilà, ça peut être le frère, ça peut être un peu tout le monde. Allez, c'est parti, bienvenue sur Énergie. Tout de suite, David Guetta avec Anne-Marie, Don't Leave Me Alone. Et vos réactions 0492-222-0002. On en parle avec vous tout de suite. I don't wanna lie, can we be honest? Right now while you're sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day, we didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, and don't you ever. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. I don't wanna call and you not answer. Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold. Don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. Alone. Don't you ever leave me. Don't you ever go. Don't you ever leave me. No. Don't you ever leave me. Don't you ever go. I'm sitting on TV. I know how it goes. Even when you're angry. Even when I'm cold. Don't you ever leave me. Don't leave me alone. Don't you ever. Énergie le soir. Oh my god! Ça se passe avec Vince. Dès 21h. Et welcome sur Énergie. Vince est dans la maison! Et vous êtes dans la maison! À 21h30, on va se lancer en mode kiff ta mère. Très spécial ce soir, le kiff ta mère. Très très spécial. Mais entre temps, nous sommes toujours en train de parler de choses, de la vie, les amis, quand on se fait virer pour des trucs qu'on n'a pas fait, ou des trucs qu'on a fait, qu'on regrette parfois. Est-ce que toi, tu t'es déjà fait virer, Vince? Alors, est-ce que je me suis déjà fait virer? Oui. D'un taf? Oui, de plusieurs tafs. Je travaillais beaucoup en intérim, mais alors du coup, c'est. Ouais, on veut plus celui-là. Parce que, en fait, en gros, je mettais souvent les endroits où je bossais face à leurs problèmes. C'est-à-dire qu'on me disait, ouais, il y a un problème avec ça, ça tu gères mal. Et je fais, mais c'est normal, votre machine, elle fonctionne pas, regardez. Et ça, c'est, j'étais agaçant en fait, parce que à chaque fois qu'on me pointait du doigt, bah, je repointais en disant, mais pour, au lieu de me pointer du doigt, regardez. J'ai trouvé l'excuse qui faisait que. Regardez, votre méthode de fonctionnement, elle n'est pas cohérente et tout. Et on ça faisait pas chier. Du tout ça dans les entreprises. Ah non, mais vraiment pas, ça. Vraiment pas. C'est, ça passe mal. Mais alors, je voulais juste faire du positif hein, et tout. Et c'est drôle parce que quand je me faisais. Enfin, c'est pas que je me faisais virer, mais on me rappelait plus, tu vois. On me rappelait plus. Mais tu sais, moi, je me suis jamais fait virer, frère. Ah ouais, et un jour, un jour à la RTBF, et je dois vous en parler, j'avais 17 ans, 18 ans, RTBF, tranquille, je suis en train de bosser, je fais un petit job où je dois faire de la rédaction. Donc je dois écrire tout ce qui se passe dans un match de foot, tranquille. Vraiment, c'est un chouette job qui m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le journalisme et tout. Surtout que c'était dans le domaine du foot que je kiffe. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un mec qui me dit faut que tu viennes juste prendre match de note du match de foot. Alors pouvez retrouver ce match. C'était Ajax Amsterdam contre Zulte Waregem en Europa League, qui est encore la Coupe de l'UEFA. Je te parle d'un truc qui date de 2006. C'est super longtemps. Regarde la situation. On me demande, le mec me dit, mon supérieur hiérarchique, qui est un, on appelle ça un script, hein, je sais pas, voilà. Il me dit, Vince, tout ce que t'as à faire, c'est prendre note du match. Ok, je prends note du match. Tac. Il m'a dit ça quelques jours avant. Donc moi, je m'installe en rédaction, je prends note du match. J'ai un appel qui arrive, puis deux, puis trois. Et de plein de secteurs différents, les infos m'appellent, le service des sports m'appelle, tout le monde m'appelle. Pourquoi? Tu es où? Ben, je suis en rédaction. T'as eu des montages à faire? Quoi? Comment j'ai des montages à faire? Je devais juste prendre note du match. Mais non, putain, il y a le journal, qui de 19. Attends, c'était quel journal? Le journal, le 12 minutes avant. C'était, je crois que ça a changé de nom, c'est devenu Views. Ouais. Le 12 minutes devait recevoir la partie vidéo pour diffusion. Mais tu le savais ça? Et je le savais pas. Alors du coup, moi, qu'est-ce que je fais? Je trace. Et comme la RTBF, c'est grand. Ah oui, c'est immense. Mais c'est pire que grand, c'est un labyrinthe le truc. C'est grand. J'ai tapé un de ces sprints, mais un sprint, je te dis pas. Je me suis retrouvé de l'autre côté du bâtiment. Comme d'habitude, on doit travailler dans des cellules de montage. Sauf que là, on m'a amené dans une cellule de montage. Je regarde dans le planning, je vois qu'il y a une cellule pour ça. Mais qui se trouve genre dans un sous-sol, je sais pas. Je trouve un mec, un monteur qui est là. Eh ben alors, t'étais où? On a un sujet à mettre. On le voit trop, le gars, quoi. Vraiment, c'est cliché. Cliché RTBF, quoi. Ben alors, je suis fonctionnaire. Ben t'étais où, tiens? Eh ben tu pouvais pas me dire, toi. Oh ben c'est pas mon taf, tu vois. Voilà, et alors on avait une urgence. En 10 minutes, on plie un montage, tac, tac, tac, tac, machin chose. Bref, il est diffusé, mais vite fait, tu vois, il est diffusé vite fait, il est très mal fait le montage. Ah bon, c'est vrai? Non, il était. Ouais, non, on n'a pas eu le temps, vraiment, on n'a pas eu le temps. Et c'était encore sur bande à l'époque, j'ai l'impression d'avoir 50 ans. Ouais, quoi, avec la RTBF a mis du temps avant de passer au numérique. Hein. Il fallait mettre du temps pour tout en même temps. C'est ça qui est beau. Et donc, du coup, ce qui est drôle, et c'est ça qui. Enfin, ce qui est drôle et horrible, c'est qu'après, on a la réunion. Et la réunion, bam, le rédacteur en chef, il est là, Michel Lecomte, ça rigole pas. Vincent Linguedry, journaliste, chef d'édition et tout ça. Et je suis face au script, ce bâtard de merde. Excusez-moi, je m'énerve un petit peu. Attends, le script, le script, monsieur. Le mec il m'a dit ce que j'ai à faire. Et là, le gars il me dit, devant tout le monde, il me dit, bon voilà, on a eu un gros problème ce week-end, hein, on a tout un rapport. Vincent, écoute, c'est une problématique, hein, qu'est-ce que tu faisais? Et moi je dis, écoutez, moi j'ai reçu ça comme info. Pas de chance, c'était par téléphone, putain de merde. Ah oui. Et j'ai reçu ça comme info, c'est pour ça que je me suis installé en cellule de je me suis mis dans une rédaction pour prendre note du match. Le gars il me regarde, non c'est pas ce que je t'ai dit au téléphone. Je te jure, là je commence à me dire, oh le bâtard. C'est quand même des doutes. Hein. Ah mais tu sais, des connards, des fils de... Excusez-moi, ah ouais. Non, j'en ai croisé dans ma life. Pop. Franchement il suffit de faire quelques mètres pour en trouver aussi. Hein. Ah. Ouais c'est ça, ouais. Et je te jure que le mec il me regarde. Et moi je lui dis, mais non, tu m'as eu au téléphone et tu m'as dit que je devais juste prendre note du match. Tu m'as pas dit que je devais faire les montages. Il me regarde, il fait « Si, si, si, je te l'ai dit. » Et alors, comment tu t'es sorti de ce truc? Je te jure, moi j'ai dit « Vous savez quoi ? » Je sais que lui, il était engagé temps plein, moi j'étais engagé avec des mini-contrats et tout. Je dis « Voilà, je sais que qui va avoir raison dans cette histoire. Moi, je vais vous dire un truc, je vous donne ma parole. » Et je regarde le mec, je fais « Toi, tu dois franchement avoir des petites couilles et tu dois être le mec le plus trompé de la life pour réagir comme une petite pute comme tu réagis. Oh » Je crois que c'est pour ça que je me suis fait virer. Entre temps, je suis retourné à la rédaction des sports. On a fait des délires avec la radio. C'est des amis et tout ça. Tu m'as pas du tout raconté l'histoire comme ça la première fois. En fait, c'est ça. Je l'ai insulté. J'étais un peu insultant. J'étais un peu beaucoup insultant avec le gars. Tomber sur un mec qui n'assume pas. La mauvaise foi. La mauvaise foi des gens. Ils ont fait une connerie et ils ont peur pour leur place. Alors non, assume. Je crois que c'est tellement bien, mais non, ils n'assument pas parfois. Enfin bah, bref. Et pour ça, avec tout ce bordel, on a été coupé par la pub. On arrive tout de suite sur Énergie. Bienvenue. Chaque matin, vous vous réveillez avec énergie. C'est le 6-9. Sur énergie, Dino. Tu vois que lui, quand il va à la boîte, il fait « T'as pas Dino Rose, s'il te plaît ?» Le 6-9 sur Énergie. 6h-9h. Dès demain, 6h. Marco, Jérémy et Frisco vous offrent vos vacances. 2000 euros pour le soleil ou le ski en France. Vous retrouvez la météo sur Énergie avec notre partenaire. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. That bad girl wicked. Anyway, me dem make the man tan sick. Dem a bad have a bomb, me dem want give me dicky. Nazaki black and Jane at the club. The one in us girl fit one body dicky. Light up the oak and drink some rum. Link up the girl dem fi get some fun. And we make the girl dem giddy man bun. And look around the place, this is London. On est où là? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nôtres. On est où là? Nous n'encaisse le baiser, on trahit pas les loups. Alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. À quand le jour de la paix, équilibré. On vient ensemble à les couilles, équilibré. Ah, ah, ah, équilibré. Ah, ah, ah, équilibré. Ah, ah, ah, équilibré. Ah, ah, ah. On est où là? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nôtres. On est où là? Nous n'encaisse le baiser, on trahit pas les nôtres. Alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous on pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. À quand le jour de la paix, équilibré. On fait ensemble à les couilles, équilibré. Ah, ah, ah, équilibré. Ah, ah, ah, équilibré. Ah, ah. Me make the girl turn freaky. Equilibre. Them a fi wine pon the dicky. Equilibre. Go dem fire like the city. Equilibre. Mama, mama, ce soir y'a des morts dans la queue, ouais. Mama, mama, ce soir y'a des morts dans la queue, ouais. Non, posez-vous deux. Ouais, c'est bon. Vince, tu vas faire quoi ce soir? On va tout casser, hey, on va tout casser, hey, on va tout casser, hey. Tant qu'on est bien assuré. Aha. Vince, 21h minuit sur Énergie. Le son de Jane. Jane qui va arriver dans quelques minutes là avec All Right, It's Gonna Be. All Right. It's Gonna Be. Just Fine. C'est ce qui va débarquer. Merci pour tous vos messages. On a une nouvelle qui vient d'arriver. Coucou Vince, je t'ai envoyé un message sur Messenger pour te demander de parler à un sujet. J'aurais besoin d'aide. Elle est trop belle, Lara, avec un cœur. Oh. Eh ben, merci pour ton message. Pas de problème, je prends note de ça. Salutations à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. C'est un plaisir de vous écouter. Merci à toi. Et quelqu'un qui m'a envoyé CC pour dire coucou. Voilà. Coucou, eh ben, coucou à toi. Émeric est dans la maison aussi. Alex de Marbet. Vince, tu serais passé Marshmallow Happy Hour avant 23h ou pas? Je vais voir si dans la playlist. Hein, je ne sais pas te dire là tout de suite. Esther est connectée également. PNO. Et puis aussi Anthony. Vince, pense à moi aujourd'hui, s'il te plaît. Bonsoir Vince, les deux mecs d'hier qui sont brouillés, est-ce que t'as des news? Non, pas encore. Peut-être que tout à l'heure on en aura. En tout cas, on n'a pas réussi à en avoir là tout à l'heure. Là. Si ça se trouve, c'est son collègue qui devait aller là-bas. Il y a merci pour tous vos messages. J'ai eu plein de réactions aussi que j'ai pas eu l'occasion de lire. Il y a Alex qui a un message pour toi, pour tout le monde en fait, hein, Nigel. Ouais. Mais en fait, Vince, je écoute. Dédicace à l'Athénée Royale de Waterloo. Waterloo dans la maison. Ouais. Oui, Nigel, ta gueule. Voilà. On dirait qu'il a lu sur Nigel, ta gueule. C'était vraiment mignon. Qu'est-ce qui se passe? Avant de parler Globo là? Je vais devoir quitter le studio, frérot. Pourquoi? Parce que là, j'ai mangé un bail. C'est pour ça que Lara, elle arrête pas de mettre. Tu sais que là, j'ai de la chance parce que pour l'instant, l'air conditionné est en train de pousser. Ouais, mais du les coup, vents frérot... de. Oh putain, ça. Non, mais putain, attends, je le sens. Frère, ça sent non, mais... Et là encore, je vais lâcher un peu. Écoutez, c'est dégueulasse. Non, Nigel, pas en live, s'il te plaît. Oh mon dieu. Oh non! Eh hey, frérot! Non, hey, c'est un truc de ouf! Là, t'es immonde! T'es immonde! Oh putain, ça y est, c'est fini là! Non, mais surtout, c'est pas des bruits qui sortent pas! Ça sent, mais horrible! Oh attends, je coupe tout là! Oh putain, ça pue! Non! Eh mais frère, non, mais c'est pour ça, moi là, je t'annonce, je pars aux toilettes, je ne serai plus avec vous! Vous pouvez m'appeler au 04, voilà, vous connaissez mon numéro! J'ai envie de vomir! Non, mais va vite aux toilettes, s'il te plaît, vas-y, évacue! Oh, évacue. Va chier là! Oh putain, ça, c'est horrible! Oh mon dieu! Non, mais ça va plus là! Quatre! Merci Alex pour ton message. Kevin, ça dit quoi? Oh, ça pue. Nigel, ferme ta gueule. Tu fais trop ton malin. Viens, je te casse. Je te casse en deux comme des biscuits. Ok, ok. La punchline, quoi, qui est arrivée. Ah, en me demandant, Vince, comment tu fais pour passer les sons des auditeurs? C'est qui, en fait? Ce sont des auditeurs, voilà, et on ne connaît pas tout le monde, et ça se passe sur WhatsApp, en fait. Ça se passe sur WhatsApp. 0492 222 002. Tu peux envoyer une note vocale là-bas, tranquille. Par exemple, Mehdi m'envoie une note vocale, là. Tu pues du cul. Tiens, bah voilà, merci. Tu graves du cul. Ouais, complètement. Bon, on récupère Lobo, là, avant de se lancer, on kiffe ta mère, là. Allô, Lobo? Salut. Yo, Lobo est dans la maison. Oh putain, Lobo, excuse-nous, mais depuis là tout à l'heure, ça pue dans ce studio. Heureusement que j'ai mon petit parfum, sauf que j'ai un échantillon, c'est un parfum à 130 balles. Ah bah oulala. J'ai senti, j'ai senti. Toi aussi, hein, c'est horrible cette odeur, hein, purée. Bon, Lobo, qu'est-ce qui s'est passé? Il paraît que t'as été viré, toi, aussi, là. Bah, quoi, à cause de quoi? Oui, bah, j'ai travaillé dans un restaurant au Luxembourg. Ok, ouais. Et bah, du coup, bah, tout se passait bien, bah... Du coup, un jour, j'avais posé mon congé parental. Ouais. Un congé parental. Oui. Félicitations, déjà, du coup, si tu as eu un congé parental, c'est que voilà, t'es papa. Hein. Ouais. Bravo. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et bah, du coup, bah, 2 jours après, bah, j'ai reçu ma lettre du licenciement. Parce qu'il a posé un congé parental. Attends, mais c'est interdit par la loi, Lobo. On peut pas te virer parce que t'as mis congé parental. Oui, c'est interdit par la loi, mais bon, après, et au Luxembourg, bah, le patron, il a pas besoin vraiment d'un motif pour te virer. Hein. Ah ouais? Ça faisait ça dépend comme depuis combien de temps t'étais engagé. Je connais pas les lois au Luxembourg. Tu t'es fait lobotomiser. Je sais qu'en France et en Belgique, je crois qu'il y a une sorte de période d'essai en fait. Non, j'étais pas en période d'essai, j'étais en CDI, je travaillais. Oh, en CDI en plus. Attends, mais tu t'es fait depuis 10 ans avec. Lobo. Ça s'est passé quand, Lobo? Bah, c'était passé il y a environ 1 an et demi. Oh putain, mais attends, mais même après 1 an et demi, on s'en fout. Est-ce que t'as été... Ouais, on doit le faire. Attends, est-ce que t'as été... Oui, bah, j'y suis allé à une inspection de travail, bah, mais ça n'a rien donné. Hein. Ça n'a rien donné? Rien donné du tout. Bah, j'étais même étonné, mais après, bah, ils m'ont dit, bah, tu sais, les patrons, ils rapportent plus d'argent au l'État qu'un simple employeur, tu vois. Ouais, non, attends, Lobo. Je vais dire un truc. Ça m'est déjà arrivé aussi de me faire ken par mes patrons. Très honnêtement. Sérieux? Ouais. Si, il y a des enculés comme patrons qui existent. Et il y en a qui n'abusent pas. Il y a des patrons qui sont géniaux et qui veulent faire évoluer les gens et qui travaillent pour faire évoluer leur société. Et qui ont vraiment des principes d'humain derrière. Et qui arrivent à faire évoluer les choses dans le bon sens, qui permettent un épanouissement, qui acceptent l'authenticité, qui mettent en avant la cohésion, le respect. Et surtout qui font confiance en l'audace. Et ça, j'admire. Mais t'es en train de parler de nos patrons? Oui, d'entre autres. Mais comme il y en a d'autres aussi. Et tandis que t'as d'autres patrons, c'est vraiment des. Je le dis clairement, c'est des bâtards. Et qui en ont rien à foutre et qui pensent juste à leur gueule et tout ça. Et parfois, quand t'es viré par un patron, toi, t'essaies de trouver de l'aide parce que t'as été viré de manière un peu injuste. Alors, tu vas voir des institutions. Et parfois, ça arrive aussi, tu vas voir des gens et ces gens, ils font ouais, vous savez, monsieur, il n'y a pas vraiment grand chose à pouvoir faire. Tu sais, tu tombes sur des gens qui sont supposés t'aider, mais ça se voit qu'ils ne font pas ça pour l'aide, ils font ça parce qu'ils ont besoin d'une fin de mois et parce qu'ils ont besoin de travailler. Point. Ouais, ils ne sont pas passionnés par le truc. Ouais. Exactement, et alors du coup, on t'envoie un peu chier. Tu sais, comme quand tu vas à la commune, tu peux tomber sur quelqu'un d'extraordinaire et quelqu'un qui. Oui, vous savez, bon, pour ça ce document-là. C'est exactement tu ça. Tu tombes donc... sur une autre personne, t'as tout. Mais vraiment. Mais la même chose avec mon truc de médecin, pareil. Voilà, donc il faut, franchement, il ne faut pas lâcher. Il faut pas lâcher Lobo. Moi, mon conseil, mon pote, c'est demain, va retourner, il faut que tu consultes un avocat, voir qu'est-ce que tu peux avoir derrière. C'est vraiment, là, c'est abusé. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un truc derrière, il y a quelque chose de caché. On ne vire déjà, numéro un, on ne vire pas quand tu poses un congé parental. T'es indéterminé. Donc, c'était quoi là, parce que normalement, il y a un motif à donner. C'était quoi le motif quand t'as été viré? Non, il n'y avait pas le motif. Il avait aucun putain, motif. Mais le mec, il peut l'air autant. Attends, mais c'est une blague. J'exagère, mais. T'as posé combien de jours de congé parental? Bah, au Luxembourg maintenant, c'est 6 mois si tu prends à plein temps. 6 mois? Ah oh, putain, oui. c'est bon ça, 6 mois. Ouais, d'accord. Hey, franchement, vive le Luxembourg, moi j'ai eu 2 semaines. Attends, donc t'as mis 6 mois? Attendez, c'est lui t'as qui a demandé couché. 6 mois ou c'est ça que je veux oui, savoir. Oui, j'ai demandé 6 mois. En fait, j'avais donné la carte au chef, qu'il donne au patron pour signer. J'ai attendu 2 semaines pour qu'il signe. Quand il avait signé, bah, 2 jours après, bah, j'ai reçu ma lettre. Et t'étais dans cette boîte depuis combien de temps? Bah, en fait, ça faisait déjà 3 ans que je travaillais avec elle. Ah, ouais, d'accord, ok. Donc c'est long quand même. C'est long, 3 ans. Ça fait pas un mois et puis c'est ça. Et dis-nous, si vous avez des conseils, qu'est-ce qu'il pourrait faire, Lobo, là ? Prud'homme. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc de. Ouais, c'est ça, il faut aller au prud'homme, c'est comme ça qu'on appelle, en fait. Ah, oui, bien sûr. Et il faut pas que tu lâches, hein, Lobo. Je te jure, moi, si tu m'expliques ce que tu m'expliques là, effectivement, t'as pas eu. Normalement, t'es viré et que t'es en indéterminé avec un contrat. Je précise à chaque personne qui est en train de nous écouter, parce qu'attention, parfois, il y a de l'abus. Quand t'as des jeunes qui commencent, ils quittent l'école et ils commencent à travailler, c'est les premiers qui se font violer. Je le dis clairement. Il faut... Non, mais j'utilise des termes durs parce que les patrons, t'en as qui violent là derrière. Mais quand je dis qu'ils violent, c'est oui. Qu'ils violent tes droits, ils en ont rien à foutre. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent ton ignorance. T'ignores ça ? Toi, t'es là, t'as envie de travailler, tu connais pas vraiment tes droits, tu te renseignes pas. C'est pas des trucs qu'on apprend forcément dans toutes les écoles non plus, voilà, tes droits de travailleur. Si tu deviens un type. Faut connaître ses droits, mais faut pas en abuser non plus, parce qu'après t'es chiant, tu vois. Bien sûr, tu deviens chiant, et c'est pas cool, mais au moins faut se respecter. Non, un petit peu, ouais. Et c'est vrai qu'il y a des jeunes, ils se font pas respecter, c'est assez ouf. Donc Lobo, moi mon pote, mon conseil mon pote, c'est fonce et fais ce qu'il faut. Si tu veux, on peut essayer de te trouver un avocat à Luxembourg, on peut se renseigner pour toi au prud'homme. On va garder tes coordonnées, on va t'aider, parce que c'est pas possible ça. C'est abusé. C'est moi. Bah, écoute, bah, moi j'avais laissé tomber, tu sais. Bah, non, jamais. Elle m'a donné 2 semaines, parce qu'après il est venu parler avec moi, elle m'a dit. Bah écoute, bah, tes collègues, ils ont parlé mal de toi, ils ont dit. Ouais, mais non, c'est pas une excuse, on s'en fout. Il essaie de t'endormir. Non, franchement. Voilà, c'est ça. Est-ce que t'as eu une indemnisation par rapport à. Parce que quand normalement, quand t'es viré, il n'y a pas eu un préavis à prester. Oui, surtout pour un CDI. Non, ouais. il y a un préavis, j'avais un préavis de moi, mais au Luxembourg, bah, en fait, t'as indemnisation seulement à partir de 5 ans. D'accord, et t'as eu ton indemnité ou pas ? Bah non, c'est à partir de 5 ans d'ancienneté. À 5 ans d'ancienneté ? Ouais, apparemment. C'est ça. Ok. On connaît pas le droit luxembourgeois. On va un peu creuser parce que ça me paraît chelou. C'est hein. Un peu abusé quand même. C'est un peu abusé, grave. En tout cas, on va essayer non, t'aider. C'est vraiment pas bien, mais bon, bah après, bah, on va essayer. Lobo, ouais. on va essayer de t'aider, t'inquiète pas, hein, parce qu'il y a le son de Jane okay, qui démarre là. Ah, je peux pas contrôler par It's gonna seul. Be alright. Voilà, ça va bien se passer. Lobo, on garde tes coordonnées, reste avec nous. Et tout de suite, on va se mettre en mode. Kiff ta mère. Ouais. Et ça va être très très sympa, bougez pas, on arrive dans quelques instants sur NRJ, on est en live. If love is around, I know you think that I am over you, but I have just better things to do than crying over you. I really got to move on with the love that I keep around. I got my life and I'm a fire. I got my voice to make it higher. Show me the way I could be stronger. Life's too short to look down at you. Things gonna be sun, the rising of another dawn. I got some time to sing the love. I got no time for you on board. I'm not angry with you, boy. I just really wanna move on. Things gonna be up. Énergie le soir. Oh my god! Ça se passe avec Vince. Dès 21h. Ma vie, c'est dans la. Dans la. Mais dans la. Mais dans. C'est drôle, on sent qu'il manque Nigel. Bah, justement, on va le récupérer. Allô, Nigel. Ouais. Bon, Nigel, il est aux toilettes, Nigel. Il se passe quoi, là? Frérot, je te vois, c'est un truc doux. Je suis comme un dingue. Eh, Maxime, j'ai les culs en feu. Et d'abord, j'ai quoi aujourd'hui, toi? Mais tiens, vas-y, je peux pas faire de la cul, parce qu'après, il y a des gens, ils vont il a mangé, c'est bien. Il a mangé, quoi? Ah, bon. Mais ça lui réussit pas, pas, lui. Il t'a mangé du frais chaud. Attends, mais tiens. Là, je dois encore chier. Écoute les bruits de caca. Non. Non. Attends, deux secondes. Oh mon dieu. Non. C'est quoi? T'as entendu? T'en diras pas électrique. On dirait que t'as laissé tomber ton téléphone. Toi, non, mais en fait, je suis en train de chier. Oh, mais allez, mais c'est dégueulasse. C'est bon. Oh là là. Oh, Nigel. Oh là, Peggy 18. Peggy Scato, ouais. Voilà, Peggy Scato, complètement. Oh. Non, mais là, c'est Peggy Bruce, la frère, c'est dingue. Ouais, en plus, Nigel l'a mangé avec moi tout à l'heure, mais il a mis blindé de chili sur son truc, il a mis fou de chili. Donc, c'est en train de lui piquer le derrière en même temps. C'est réel? Ouais, vraiment. Mais tu sais que là, en fait, je suis en train de saigner, mais je voulais pas. Non, ça va, on veut pas avoir les détails, Nigel. Ah, le coup. Écoute, fais ça à ton aise et quand tu t'essuies... Lave-toi les mains, surtout, après. Va à ton aise, oui, c'est ça, lave-toi bien les mains. Je vais revenir maintenant, parce que moi, j'ai envie d'assister au jeu. Ouais, mais on y arrive. Je vais le temps d'introduire une personne, là. Il est immonde, ça va gars. Allez, à tout de suite. À tout de suite, Nigel. En plus, on entend rien, quoi. Oh là mais là. Comment il ose? Je sais pas. Bon, j'espère qu'il va bien. Tirer la chasse, bien sûr. 0492-222-002 pour vos messages, les amis. Les gars, vous m'appelez quand, Martin? Ah bah écoute, a priori, tout à l'heure, je pense, Martin, je sais pas. C'est avec les standardistes qu'il faut checker ça, on va checker ça tout de suite. Je serai aux toilettes, je pleurerai, moi, on m'a envoyé. Bon, les amis, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah dans le standard. Allô, Sarah? Allô? Ça va, Sarah, tu vas bien? Oui, c'est pas. Alors, non, faut pas le crier. Je vous explique qu'est-ce qui se passe là. Il se passe un truc. Sarah, on a une auditrice qui est dans le standard, elle est en train de parler actuellement avec Eddie. C'est pour ça qu'on peut pas crier trop fort le prénom de Sarah dans la maison, sinon Alison pourrait se douter de quelque chose. Sarah, on chuchote. Hein. Oui, on appelle-la autrement alors. Sarah, il y a Alison qui voulait te faire une blague. D'accord, elle voulait, t'es au courant, elle voulait te faire une blague, on t'a expliqué. Hein. Ouais. Elle voulait te faire le kiff ta mère ce soir. Et Lara, oui, on a capté que Nigel vient de revenir et que ça pue. On a capté. on y arrive après. Donc, Sarah. Ce qui se passe, c'est que Alison va t'appeler dans quelques minutes pour faire le jeu du kiff ta mère. Donc elle va faire croire qu'elle kiffe ta mère, d'accord? Ouais. Sauf que là, ou kiffe ton père. C'est le kiff ton père ce soir. Non, ouais, c'est kiffe ton père. Voilà, ouais. Kiffe ton père, on est d'accord. Hein. On est d'accord. Donc du coup, Sarah, ce que tu vas faire, c'est que tu vas lui faire croire que t'as déjà une relation avec son père à elle, d'accord? Ça va? Ouais. Ok, elle est pas au courant. Donc Alison, on va la prendre comme si de rien n'était. Elle est au courant de rien, d'accord? Ouais, c'est un truc de ouf. Et on va écouter la réaction quand ça va ça, voilà quand le pranker sera pranké. Ah ouais, de ouf. On va voir, c'est le. Ça va être génial. Eh mais Alison, du coup, on va raccrocher. Hein. Voilà. À tout de suite, on raccroche hein, pour Sarah, ça va? Ouais. À tout de suite. Bisous. Bisous, on raccroche. Ouais. Voilà. Parce que on chuchote, je vous explique pourquoi. Parce que actuellement, t'as Alison à qui on va faire la blague, il est au téléphone avec Eddie. Et on a trop peur qu'elle nous grille, tu vois. Donc voilà. Donc du coup, on va pouvoir reparler normalement. Bonsoir. Super. Ouais, super. Allez. Ah, ça pue la merde. C'est bon, on a Alison dans le standard. Salut Alison. Alison. Alison est à la maison. Sur Énergie. Ça va Alison, tu vas bien? Ça va bien et vous? Mais ça va très bien. Bienvenue sur Énergie. J'espère que t'as passé une bonne journée. Oui. Ah, super. Tu viens de quelle ville, Alison? Alors, je viens de Saint-Hubert. Saint-Hubert, ah ouais, tout au sud de la Belgique. Il y a une petite école là-bas. Attends, tu as Alison qui est à l'école à l'Athénée Royale de Saint-Hubert, enfin l'Athénée de Saint-Hubert. Oui. D'accord, ok. Oh, Alison, c'est ma copine à moi. Old school, Alison. Elle est gentille, c'est une grosse chic. Je pensais que c'était les coquines ou je sais pas très bien. Ouais, moi, Noël, c'est. Et tu connais cette chanson, Nigel? Je suis étonné. Moi, je suis trop. C'est 90s, toi, en vérité. Bon, les amis, dans quelques minutes, on va lancer le Kiffe ton père ce soir. Alison, on va téléphoner à qui, dis-nous? À Sarah, une amie d'enfance. D'accord, une amie d'enfance que tu côtoies encore actuellement, là? Oui. D'accord, ok. Donc vous voyez souvent et tout. Et tu vas lui faire croire que t'as des sentiments pour son papa, c'est bien ça? Oui, c'est ça. D'accord. Elle est du genre à le prendre comment, tu penses, ta copine, là, Sarah? Je pense qu'elle va le prendre mal. Tu penses qu'elle va mal le prendre, d'accord, ok. Bon, bah écoute, on va voir. Vous avez une bonne amitié toutes les deux? Elle vient parfois à la maison et tout ou pas? Oui. D'accord, ok. Très bien. Très intéressant, ça. Bah écoute, ouais. Alison, on fait la blague à Sarah dans quelques instants, ça va? Tu bouges pas? D'accord, pas de soucis. Super, on est en direct les amis, bienvenue sur Énergie. Et tout à l'heure, parce que j'ai même pas fait tout le topo de ce soir. Il y a plein de trucs aujourd'hui. On a des figurines Dragon Ball, One Piece, Naruto à offrir. On a des GoPro encore à offrir. Des jeux Xbox One et PS4 à gagner ce soir dans l'émission. Mot de la fin. Et vous savez quoi, est-ce qu'on ferait pas le mot de la fin un peu plus tôt que d'habitude? Ouais, mais ce serait cool. Mais du coup, cool genre à 23h45, ouais, on va voir la fin à minuit. Voilà, exactement. Voilà. Il y a un malin lui. Eh oui. Non, mais tu sais qu'il y a même des jeux pour PC et tout. On a plein de trucs en stock là. Ah, t'as des nouveaux trucs, mais c'est quoi les nouveaux trucs? Vas-y, dis-nous là. Pour PC, donc c'est Wolfenstein 2 dans un coffret collector avec figurines et tout. Putain, lourd ça. Non, mais okay. Genre vraiment, enfin, les gens venaient prendre les cadeaux. Voilà, les Dragophones est prévu pour ce soir aussi pour repartir avec vos cadeaux. Hein. Vous devez vous faire inviter chez quelqu'un en moins d'une minute, c'est le principe Dragophone. Ce sera dans quelques instants que ça va démarrer ça. Le 10-6 de BAF, demi-finale, deuxième partie. Yeah. Et on va savoir qui va venir ici en studio prochainement pour faire sa belle et grande chanson. La Friendzone également est prévue pour ce soir. Ah, une bonne petite Friendzone, bien sympathique. Le jeu du qui prendra cher ce soir, on avait promis de le faire. Mot de la fin pour repartir avec vos cadeaux, j'ai un mot en tête. Pour ceux qui sont branchés, qui se branchent à 21h dans l'émission, vous savez que j'ai toujours un mot en tête à minuit. Ouais. Enfin, minuit 30 parfois, mais minuit. Et la première personne qui trouve le mot que j'ai en tête, eh ben, gagne des gros cadeaux. Ouais, ouais, je précise qu'il faut me proposer des mots sur le WhatsApp, 0492 222 002, ce sera tout à l'heure. Ou au 3018. Voilà, ou au 3018. Si c'est chaud, eh ben, tant mieux, ça veut dire qu'on se rapproche. Si c'est froid, on s'en éloigne. Première personne qui trouve, gagne. Généralement, on fait toujours deux gagnants en plus. On est, ouais, on est généreux. Et on va parler des pires déclarations d'amour tout à l'heure sur Énergie. Aussi. Ah. Ouais. C'est quoi ta pire déclaration d'amour que t'as eue, toi, Lara? Mais tu sais, c'est les espèces de phrases à la con que t'as dans la rue, là. Genre, tes parents, c'est des voleurs. Tes parents, c'est des voleurs, pourquoi? Ils ont volé toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Oh là là là là. Oh, c'est tellement beau. Allez, on arrive tout de suite sur Énergie. Bienvenue. Vince, ouais. 21h minuit sur Énergie. Rejoignez Vince sur Insta, Snap et Twitter. Vince Radio. Vince Radio. Et bombardez-le de messages non-stop. Il trouve ça relou, mais nous, on trouve ça drôle. Et on a Clara Luciani qui arrive avec la grenade sur Énergie. Bienvenue et merci, merci d'être là, ça fait vachement plaisir. Et vous savez quoi, je vais profiter pour répondre à vos messages que vous envoyez maintenant sur le WhatsApp 0492 222 002. 0492 222 002, j'en profite en antenne, là. C'est parti. Vous retrouvez la météo sur Énergie avec notre partenaire. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. I just ordered sushi from Japan. Vince. Du lundi au vendredi. 21h minuit sur Énergie. Allez, c'est parti sur Énergie avec la Luciani, la grenade. D'ailleurs, la grenade, c'est le nom qu'on donne au cul de Nigel en ce moment. Ouais. Voilà, parce que ça sent fort. Hein. Mais moi, j'aurais plutôt appelé ça un P foireux. Voilà. T'as dit quoi? Un P foireux. Quoi? Un peu foireux. Un peu foireux. Un peu quoi? Un peu foireux. Un peu foireux. Un peu foireux. Un peu foireux, c'est ça que tu veux dire en fait. Un peu de fouf aussi, ça dépend. Ah non, non, non, non, non. Ça dépend. Franchement, tu sais que parfois, il y a plusieurs P qui existent. Le P de fouf, le P foireux. Et donc, pour expliquer aux gens qui ne savent pas, c'est quoi un P foireux? C'est quand tu pètes et tu chies. Et c'est ce que oh j'ai non, pas... non, non, allez, là, allez, allez. J'ai failli avoir ça. Merci, Nigel. C'est parti pour Clara Luciani avec la grenade, alias le P de Nigel. Et Charles Cule dit yes, un tube est dans la maison. Tout de suite, le kiff ton père avec Alison. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là. Déguisé au matin. Bienvenue sur Énergie et j'adore, on est en train de découvrir, ils ont mis à jour l'application Instagram et on n'a pas tous la même chose, c'est ça qui est bizarre dans cette émission. Ouais. Ah mais il faut faire la mise à jour. Ben oui, tu mets à jour. Tu mets à jour et en fait maintenant quand tu fais une photo ou un post, enfin pas un post mais une story Instagram, et ben tu sais avant t'avais questions, sondages, mots-clics, mentions, localisation. Ouais, ouais. T'avais les petites barres, sondages. Android, c'est comme t'avais ça. Les petites barres là qui te permettaient d'évaluer le niveau de la photo. Ouais, ouais. Que tu sais, tu mets à cœur, tu mets une petite barre qui c'est donne une jauge, quoi. Une sorte de jauge. T'as GIF aussi, t'as la température, l'heure. Et ben maintenant il y a le truc musique. Ça tue. Donc ben, moi je trouve ça trop cool en fait. T'as des musiques selon ton humeur aussi. Donc admettons aujourd'hui t'as un peu d'humeur mellow, tu vois, t'as un peu comment dire nostalgique un voilà. peu, tu vois. Et ben on te propose en premier Shape of You. J'adore. Ah, c'est trop et cool. C'est relié directement avec quel distributeur. Enfin, avec Spotify, je crois que c'est avec Spotify. Ouais, à je mon pense avis. Avec toutes les plateformes. Ouais, alors peut-être celle que tu as installée sur trop ton fort. Téléphone. Quoi. Parce que j'ai fait un truc. Je suis habillé en Son Goku aujourd'hui. J'ai un t-shirt de Goku et Dragon Ball. Et Jaden Smith, le fils de Will Smith, a sorti un single qui s'appelle A Feel It Like Goku, un truc dans le genre là, qui est très sympa d'ailleurs. Hein. On va peut-être passer un petit extrait tout à l'heure là. Oui, j'aimerais bien l'écouter. Juste pour avoir votre avis. Hein. Merci pour ton message là. Vous pouvez m'appeler car hier j'ai pas pu le faire là. Bonsoir la maison, je vous kiffe. PS, j'en peux plus de cette musique. Ah la grenade. Grenade. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? Olivier, il dit quoi, Olivier? Garde au gros cul de Nigel. Et j'adore quand vous chantez sur les sons, là. Il y a un message, là aussi, qui est arrivé d'une nouvelle personne qui va écouter l'émission, qui vient se brancher pour la première fois de nous envoyer un message. En fait, Vin, j'aimerais qu'on parle de l'adoption. J'étais adopté il y a un an et demi, et c'est super difficile avec mes parents adoptifs. Ils sont violents. Je sais pas quoi faire, je pleure tous les jours. J'en ai déjà parlé, mais personne fait rien. Oh, est-ce que tu penses pouvoir en parler aujourd'hui? Écoute, ça m'a l'air d'être vachement urgent, donc ouais. Oh là là. Et regardez les toutes mimi et tout là en plus. Mais ça vient de se passer là en direct, les amis. Je vois le message. Je t'appelle dans 10 minutes. On va t'aider, ma chérie. T'inquiète pas. Oh, c'est ouf quand même. Hein. Je comprends pas pourquoi adopter alors à partir du moment où les gens sont comme ah, ça. C'est horrible. Bizarre. Bonsoir Vince. Dominique nous manque. Oh, bah les gars, c'est lui qui décroche plus. Hein. Donc on essaie de faire au mieux. Hein. Bisous à toi, Marc. Myron est connecté. Et Thomas, ça dit quoi, Thomas? Vite. Hein. Yo Vince. Ouais. Yo Vince. Yo. Yo. Yo Vince. Tu veux dire quoi ta gueule? Tranquille ou quoi? Ah bah merci Thomas, c'est gentil. Merci tranquille. Pour ton message. On est tranquille. Allez, on récupère Alison. Alison, est-ce que tu nous reçois? Oui. Yo, Alison est dans la maison. Oh my gosh, Alison, are you ready to rock? Bon, je parle. Ouais. Ok, est-ce que t'es prêt à faire du rock? Alison, on va se lancer tout de suite dans le kiff ton père. On appelle Sarah. Un d'œil. On va appeler Sarah et tu vas lui faire croire que tu as des sentiments pour son papa. T'es prête? Oui, c'est ça. On y va, c'est parti, bienvenue sur NRJ. On lance l'appel. Yes, on lance l'appel maintenant. Et d'ailleurs Vince au 38, il y a un mec qui l'a dit: bonjour l'équipe, je viens d'arriver, vous allez bien? Je m'appelle Franck, au cas où tu voudrais faire un Franck dans la maison. Non, c'est tentant, mais j'hésite un peu. Je sais pas pourquoi je suis hésitant. Franck dans la maison. Sur NRJ. Dans la musique, t'as vu pile poil dans la musique. Trop fort. Musique. C'est parti, on appelle, attention. Bon courage, on appelle Sarah, bon courage Alison, let's go. Est-ce que ça sonne? Ouais, ça sonne. Là, ils nous entendent plus. Je Allô rappelle. Oh, je rappelle. Allô, Sarah? Qu'il y a un piège qui est prévu. Alison n'est pas au courant. Ça va et toi? Ouais, ça va. Dis, écoute, enfin, je sais pas comment te dire. Ah oui, d'entrée de jeu. Faut que je te dise quelque chose qui me reste sur le cœur et. Enfin, voilà, c'est comme une sœur pour moi, mais il faut que je te le dise. Ça me dire quoi? Écoute, j'ai des sentiments pour ton père et ça fait quand même quelques mois qu'on te voit et il fallait que je te le dise. C'est une blague? Ouais. Non, c'est pas une blague. Je te promets. C'est sérieux. Pourquoi tu me fais ça? Ça fait... On se connaît depuis qu'on est petite et tu me... Je sais même pas de moi, franchement. Je précise. C'est n'importe quoi. Que ça reste dans le coup. Pourquoi tu fais ça, sérieusement, avec mon père? Ça va faire une contre-blague. Il y a sur terre et tu viens prendre mon père. Bah écoute, je trouve quand même assez charmant. Enfin, je sais pas. Je sais bien, mon père est charmant, c'est mon père, mais Alison, quoi. Enfin, il y a des millions de garçons sur terre. Pourquoi tu prends mon père? Pourquoi mon père? Franchement, je sais pas comment réagir, j'ai vraiment envie de m'énerver, mais. Ça me saoule. Ouais, mais. Dans un sens, vaut mieux que ce soit ton père. Plutôt que ton frère ou autre chose, enfin, je sais pas. Moi, personnellement, j'aurais préféré mon frère. J'aurais préféré mon frère que mon père, quoi. Mon père, quoi. C'est n'importe quoi. Pourquoi tu fais des trucs avec mon père, là? C'est quoi cette histoire de merde? C'est une grosse bête. Oh. Bah écoute, vu qu'on en est là et que tu couches avec mon père, moi aussi, je vais te dire un truc. Vu que on dit tout, mais je vais t'avouer un truc aussi, comme ça au moins on sera clair toutes les deux. Écoute, moi ça fait plus d'un an que je vois ton père et qu'on s'entend super bien et que je vais le voir à ses pauses, donc à 13h. Et hier, on a à l'hôtel ensemble. C'est une grosse blague. Ah non, pas du tout. Non, mais c'est une grosse blague là. Bah écoute, mais sérieux, tu m'as dit la vérité par rapport à mon père. On est en train de la piger en retour en fait. C'est de la vérité et comme ça c'est bon. Ouais, mais genre mon père quoi. Mais non, je sais pas. Il y a un moment où il faut être logique. faut être le lit. Je sais bien, j'aime bien ton père. Mais parce que ton père, c'est ton père, c'est pas le mien. Enfin, je sais pas, t'as pas touché à mon père. T'es qu'une grosse conne, quoi. Non, mais t'es qu'une grosse conne. Et puis, comment il peut coucher avec toi? Mais alors, et moi, je me pose la même question. Comment? Pourquoi tu couches avec mon père? Et comment il peut coucher avec toi, le mien? Enfin, je sais pas, enfin... Léo de France. Voilà, c'est bon, pour toutes les mêmes questions. Mais moi, comme je te dis, moi, ton père, hier, je suis allée avec, ça s'est super bien passé. On a même couché ensemble, pour te dire. Et c'est cool. C'est super cool. Putain, je te jure, je vais m'énerver, là. Enfin... J'ai juste envie de mettre du coup chez toi, et sans couline, quoi. Toutes les deux, non, mais c'est bon, je vais arriver chez toi, fais gaffe. Je vais arriver chez toi, je vais prendre la voiture, je te jure, je vais monter. Je te jure, je te promets. Mais je prends mes clés, je monte. Vas-y, viens. Je monte quoi? Sur le même étage? Arrête de parler. C'est bordel, ça parle en même temps, putain. Non, parlez. Je monte sur ton clé. Arrête de parler. Et franchement, tu me prends vraiment pour une débile, toi. Non, pas pour une débile, pour une grosse salope. C'est pas la même chose. Franchement, entre toi et moi, la grosse salope, c'est plutôt toi, parce que tu couches quand même avec mon père. Donc, je t'explique, j'ai jamais dit que j'avais couché avec ton père. Mais toi, par contre, tu m'as lâché là. Tu m'as lâché là 2 minutes, enfin même pas 2 minutes, que t'avais couché avec mon père. Non, écoute, Alison, tu comprends pas ce qui se passe là. Il n'y a jamais rien eu. Je vous rappelle, on est en train de piéger Alison qui pense piéger sa copine. Hein. Ouais. Pourquoi toi tu couches avec mon père? Mais t'es vraiment qu'une grosse salope. Non, franchement, non, mais parce qu'on s'aime, c'est tout, c'est comme ça. Tu dois les aimer, tu rigoles ou quoi? Il est encore avec ma mère alors qu'il la quitte, hein, ce gros porc. Je sais pas. Voilà. Et du coup, elle a peut-être oublié qu'elle était à la radio. Non, tu sais très bien, Alison, je connais ton papa depuis que je suis petite et au final, ben voilà. Maintenant, c'est comme ça, tu dois l'accepter. Je vais mettre Sarah en attente, je vais au standard. Allô, Alison, Sarah, écoute, on est un peu mal à l'aise là. Pourquoi? Parce qu'on a découvert un peu qu'il se passe un truc là. Tu voulais faire une blague à ta pote en faisant croire un truc, sauf que là j'ai l'impression que c'est. Je peux pas. Non, mais attends, tu te rends compte, ta pote. Ça part trop loin là. Ça va, tu te sens comment là? Ça part trop loin. Bah, je me sens mal. Ah, mais du coup, peut-être ton père, c'est un bon coup. Hein. Moi, j'en sais rien, tu sens beaucoup et je peux pas le savoir, c'est un connard. Enfin, c'est comment tu sens d'avoir fait une blague à ta pote et en fait au final tu découvres ça? Là je me sens vraiment mal, enfin, honnêtement, ça partait pas d'un bon sentiment, j'avoue, mais là qu'elle me fasse ça et qu'elle couche avec mon père, enfin, je sais pas, ça va loin quoi. Mais moi je trouve que c'est normal. Hein. Mais du coup toi en même temps tu allais lui dire aussi que tu couchais avec son père. Oui, mais moi c'est... Enfin... Elle c'était une blague, voilà, sauf que là... C'était une blague au départ, elle c'est pas une blague, enfin, je sais pas si elle me dit ça et... Enfin... Et t'as jamais rien vu? Non, j'ai jamais rien vu. Si ça fait 2 mois que je suis en appartement, enfin. T'as jamais vu la bite de ton père? Arrête, va là, j'étais pas ailleurs en même temps. Et Alison, du coup, ouais, c'est un peu confus là. Tu vas faire quoi avec ta pote, avec ton père là, du coup? Ah, mais je vais déjà téléphoner à ma mère. Tu vas le dire à ta mère, ouais? Ah ouais, je vais le dire à ma mère. Attends. Ouais, là, ouais. Ah, ça le pouca. Ah ouais. Faut pas. Ah putain. Faut pas jouer avec moi. Enfin, tu balances. T'as une petite balance. C'est aussi un sujet. Est-ce qu'il faut balancer ou pas, tiens, ouais. quand tu découvres ton père ou ta mère occupé avec quelqu'un d'autre. C'est un sujet de ouf. Alison, oh putain, on est mal à l'aise un peu. On s'y attendait pas à ça là. Moi, je suis grave content, bien fait. Non, c'est choquant. Ah ouais. Alison pleure, ça fait du bien. Non, mais là attends, on rappelle Sarah. On récupère Sarah. On a Sarah là. Sarah va dire, vas-y. Oui, Sarah, tu peux lui parler. Allô? Sarah? Ouais. Ah, on est en ligne sur Énergie, Sarah. Ça va, tu vas bien? Ça va, et toi? Ça va. Tu peux expliquer à Alison qu'est-ce qui se passe? Explique-lui, vas-y. Pourquoi tu rigoles? Bah, parce que pour moi, c'est drôle. Elle est trop morte de rire. Eh, mais Sarah, non, mais sérieusement, il y a quoi qui est drôle, là? En fait, Alison, Sarah est dans le coup, et en fait, tu es la prankeuse prankée. Ouais, c'est une blague. Ouais, ouais. Quoi? C'était une blague. Ça pleurait, les gars. On dirait qu'elles ont la même voix, c'est tellement mignon. On dirait la, la petite fusion, là. Allison, Sarah était dans le coup. Sarah, confirme-lui qu'il n'y a rien qui est vrai de ce que tu as dit. Non, il n'y a rien qui est vrai. J'ai rien fait avec ton papa, rien du tout. Elle est en train d'envoyer un message sur... Elle avait dû envoyer à sa mère. Je retire ce que j'ai dit, c'est pas vrai. Ouais, non, merde. Ça va, Alison? Excuse-moi, Alison. Oui, ça va. Oh putain, je te sens perturbé là. Oui. Désolé. Non, mais alors, j'avoue que là, pour le coup, d'habitude dans l'émission, voilà, c'est un auditeur qui passe, qui fait une blague à quelqu'un. Et là, on a téléphoné, on s'était dit, tu sais quoi, on va piéger un de nos auditeurs en retour. Ouais. Une petite blague comme ça, voilà. Donc, t'inquiète pas, tout va bien, il n'y a rien qui est vrai. Et... on était curieux de ta réaction parce qu'on s'est toujours demandé, tiens, quelqu'un qui fait une blague à une autre personne, comment est-ce qu'elle le prend elle-même, tu vois, la même blague. Et là, du coup, bah, on a un petit peu découvert une Allison perturbée. T'allais vraiment le balancer à ta mère? Ah ouais, j'étais prête à balancer à ma mère là. Ouais, mais d'abord il faut en parler à ton père. Admettons, non, si c'était vrai. J'étais prête à quitter l'appartement et aller jusque chez mes parents. Oui. Ah là là. Ton père pour voir si c'est vrai. Ça sent mal. Oh la pauvre. Ah, t'inquiète pas, ça va, tout va bien. Eh ben en tout cas, Sarah, bien joué, bravo, bravo, bravo. Bravo. La contre-blague, elle était parfaite. On te fait un gros bisou, Sarah. Est-ce que je peux juste passer une dédicace? Mais ouais, vas-y, fais-toi plaisir. On t'écoute. Je voudrais passer une dédicace pour mon copain Thomas. D'abord, on lui fait un gros bisou. Pas Thomas, et fais attention que le père de Allison ne pique pas ça. Ouh là là. C'est bien compliqué, là. Le père d'Allison, Thomas... Les feux de l'amour. Dallas, ton univers impitoyable. Christelle qui dit, merde, j'ai raté du lourd. Ah ouais, il y a des auditeurs qui en fait se sont connectés à l'instant même et qui n'ont pas compris ce qui se passait. Bah oui. Qui disaient, maintenant, c'est trop gros l'histoire. Bah oui, c'est trop gros, puisqu'on a demandé de faire une blague en retour, c'est pour ça. Un gros bisou à Sarah et Allison, t'as envie de faire une dédicace, peut-être? Ben oui, pourquoi pas. Allez, vas-y, profites-en, allez, vas-y, fais-toi plaisir, vas-y. Alors, Sarah, déjà, excuse-moi pour les insultes que j'ai pu te dire, voilà. C'est mignon. Et ben, je voulais passer le dédicace à Joachim, qui m'écoute, et voilà. Ah, Joachim. Petite soirée, Joachim. Tiens, que Joachim, tiens, non, il se passe un truc. Allez, bisous les filles, merci à vous quand vous voulez dans l'émission. Et tout de suite, on va se mettre en mode This is the Bov sur Énergie. Mais avant encore, on a le jeu du dragophone. Ah. Il faut tenter de se faire inviter chez quelqu'un qu'on ne connaît pas et le tout en moins d'une minute. Et ça doit se passer là, maintenant, tout de suite. C'est le jeu auquel je suis le plus mauvais. Aussi bien, je suis très bon au Give Me Five que je suis extrêmement mauvais au dragophone. Étrangement, je n'arrive pas à trouver des méthodes pour m'inviter chez quelqu'un. Je devrais devenir témoin de Jéhovah. Peut-être que ça va fonctionner. Ouais. Voilà, tu sais, c'est ceux qui viennent sonner. Bonjour. C'est un cliché qu'on met dans les films américains et tout là. Mais par contre, mais j'en ai eu un jour. Un jour, il y en a eu un. Il a sonné bonjour. Et en fait, il dit pas qu'il est témoin de Jéhovah. D'abord, il me parle d'un truc, je sais pas de quoi il me parle. Ouais, et après 5 minutes, il me dit ah, mais en fait, je suis témoin de Jéhovah. Ouais. Et là, boum, t'as tous les clichés que j'ai vus dans les Simpsons qui me reviennent dans la gueule. Et je me dis ouais, tu sais quoi, merci, bonsoir, ouais, c'est gentil. Mais ça, au début, ils le disent jamais, t'as remarqué, ils annoncent pas. C'est... Ah, mais en plus, ils te racontent une histoire, frère. J'étais là, ouais, j'ai pas le temps, mais ils continuent. Ouais, mais ils sont bons, ils racontent des histoires de ouf. On devrait en inviter à la radio. Ah, mais non, du coup, c'est comme si. Oh putain, il y a encore un qui a envoyé une photo de son cul avec quelque chose dedans là. Oh non. Je sais pas si t'as vu la photo que Nigel a envoyée dans le groupe. Non, j'ai pas vu. Allume ton téléphone. Je vais regarder ça. Parce mais que... là, pour vous expliquer en fait ce qui se passe, il y a un auditeur qui arrête pas de m'envoyer des photos de son derrière avec. En gros, qui est très poilu. Est-ce que c'est lui? Et bah, je sais pas si c'est est-ce lui que ou c'est pas. C'est toujours le même pet. C'est toujours le même pet. Je confirme. Ah, du coup, c'est peut-être lui. Et oui, je l'ai analysé ce pet à la longue. Hein. Et à chaque fois, il y a un truc différent derrière. Une fois, c'était une carotte. Une fois, il y a eu un chicon. Et là, aujourd'hui, c'est une baguette visiblement. Entre ces. Et vous m'envoyez des trucs chelous parfois sur WhatsApp. Ouais, non, mais vraiment. Genre, c'est ça qu'on lui inspire. C'est visiblement. Salutations à Christina, il y a Moons également qui est connecté, ça dit quoi Moons là? Nigel, franchement trop con, mets ta sur ma poule, continue comme ça. Et ben voilà, vous l'encouragez encore dans le vice Nigel. Allez c'est parti pour Louis Fonsi. Aïe papi. Avec Calypso sur NRJ, on arrive dans quelques instants sur les bienvenus, vos messages 0492-222-002 sur WhatsApp. Et si vous voulez aussi au 3018, bienvenue à vous. Cuerpo frente al mar, pescando arena con sal. Yeah. Pero sé que no es normal lo que puede pasar si tú me dejas entrar. Yeah. Yo tengo lo que tú buscas, calienta tanto que asusta. Y sabes lo que te gusta, te gusta, te gusta. Prendiendo fuego en el suelo, gritando estrella en el cielo. Y te diré lo que quiero. Te quedas conmigo volando toda la noche, cerquita de mí al ritmo de amor y derroche. Lo que me pidas yo lo haré, 1, 2, 3, Calypso. 1, 2, 3, Calypso. 1, 2, 3, Calypso. T'étale. Con un poquito de cerrón en tu boca, no tan poquito pa' que te vuelva loca. Esa mirada tuya no se equivoca. Si tú te quedas conmigo, ando toda la noche, cerquita de mí, al ritmo de amor y derroche. Lo que me pidas yo lo haré, donde tú vayas te daré, toda la noche te daré, Calypso. Si tú te quedas conmigo. Calypso. 1, 2, 3, Calypso. 1, 2, 3, Calypso. 1, 2, 3, Calypso. Te daré. For the world. 1, 2, 3, Calypso. 1, 2, 3, Calypso. 1, 2, 3, Calypso. Te daré. Calypso. Calypso. 21h minuit. Du lundi au vendredi, 21h minuit sur Énergie. Vince est là. Maison. Vince est là. Maison. Ok, merci. Ça fait plaisir. On est là, tranquille. Tiens, Lara, t'as raté ton moment préféré de la soirée. Quel est ton moment préféré de la soirée? Ouais. Le mot de la fin. Non. 22h22. Bah voilà, exactement. Voilà. Ah ouais. Il est 22h22, effectivement, c'est le moment préféré de Lara, elle adore son 22h22. Et le 21h21. Tu sais que c'est au point que maintenant les auditeurs l'envoient, hein. Ils envoient 22h22. Mais je vous aime, les auditeurs. Ouais, ils envoient 22h22 là. Ils sont attentifs, les auditeurs. Il est 22h22, et les plus fidèles, franchement, on va les reconnaître. Ceux qui vont envoyer 22h22, il y en a eu 4 qui l'ont fait. 22, voilà les flics. Ceux qui envoient 22h22, ça va, c'est vraiment les plus fidèles, ça. Hein. T'as dit quoi, Kevin? Message de Kevin. Salut, encore moi. Je pense que l'auditeur, c'est que Najum, il montre son cul avec un autre profil. Ah, c'est lui. Mais t'as vu, il appelle Nightjum. Ça ressemble un peu en plus. Hein, non, mais pas Nightjum, mais la photo profil, je réponds à l'auditeur. Non, deuxièmement, mon cul. Alors, ça dit quoi du côté de Steven là? Bisous, je vous aime. Et tout plein de gros bisous à toute l'équipe. Oh, merci. Gros bisous, ma chouchoute. Oh, c'est tellement gentil. Vince, mais moi, je t'aime pas. Alors, et j'adore parce que maintenant, tout le monde m'envoie 22h23. Ouais, Vince, E42, Namur, Liège, 10 km de bouchons. Putain, heureusement que tu m'envoies ça. Il y a quelqu'un qui est en train de nous écouter dans les bouchons là. Ouh là là, et bah Stevens, mon pote. Ah non, ça va, il est de l'autre côté, lui. Il est de l'autre côté des bouchons, en fait. C'est le mec qui fait des fucks à tout le monde, un peu. Genre, regardez la photo, là, je vous la montre. Ah ouais. En fait, je vous explique, moi, c'est trop un moment de kiff. C'est horrible, hein, mais c'est un moment de kiff quand je suis sur l'autoroute, en voiture, et que ma voix, elle est dégagée de ouf. Et que je vois que de l'autre côté, ils sont en train de galérer. Tu non, vois. Mais franchement, les pauvres. Non, mais regarde là, il est 22h24. C'est horrible, cette heure-ci. Franchement, cette heure-ci, tu rends du taf. Mais t'es non, KO. C'est super. Ils peuvent au moins, ils allument la radio, ils nous entendent nous. Donc, ils nous découvrent, ouais, alors qu'ils n'auraient pas l'occasion de nous découvrir. En tout cas, si vous nous découvrez le soir là, sur Énergie, bah, on est là tous les soirs, du lundi au vendredi, de 21h à minuit. Et vraiment, bah, bon courage à vous. Hein, si vous êtes dans les embouteillages là, de cette fameuse autoroute, là, E42 Liège-Namur, on vous salue, les amis. Je suis sûr qu'il y a des camionneurs qui nous écoutent sur cette voie. Ouais, d'office. S'il y a des camionneurs là, qui sont en train de choper leur bahut là. Eh, hey, gros klaxon massif, vous allez vous reconnaître entre auditeurs d'énergie. C'est ça qui est cool. Donc attention, on va se faire un délire. Je vous donne d'abord numéro 1, mon numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est le 0492-222-002. Si vous êtes dans cette autoroute, ajoutez ce numéro, parce que vous êtes de toute façon à l'arrêt. Donc, ajoutez le numéro à vos contacts, si vous avez WhatsApp. Et là, vous allez me dire si vous entendez des gens qui ont klaxonné en même temps que vous. Vous êtes chauffeur, camionneur, chauffeur poids lourd, ou alors vous êtes dans votre véhicule lambda, pas la Lada, mais une voiture normale, hein, n'importe laquelle. Que vous soyez donc dans un gros camion ou pas, vous allez tous klaxonner à mon top. Vous êtes dans ce fameux embouteillage, ok? Ouais. Il faut avoir les couilles là, il faut vous klaxonner. Ouais. Il y a peut-être le mec devant vous, il va pas comprendre. S'il écoute Énergie, il va comprendre. Il va peut-être sortir avec une batte de baseball aussi. Mesdames et messieurs, concentration. Vous êtes prêts? Ouais. On se concentre. Attention. Si vous êtes dans ces fameux embouteillages. Ou peut-être pas dans l'embouteillage. Peut-être vous êtes dans un autre embouteillage ailleurs. Peut-être vous n'êtes pas sur la E42 Namur-Liège. Mais filmez. Mais filmez-vous en train de le faire. Oui, ça va être beaucoup d'infos, mais pas de problème. Comme ça, on les voit. Comme ça, vous envoyez sur WhatsApp. Le numéro, je vous le donne, c'est le 0492 222 002. 0492 222 002. Vous allez klaxonner. Et dès que vous avez klaxonné, vous nous envoyez par message la vidéo et surtout vous nous dites si vous avez entendu des gens klaxonner aussi. Mais bien sûr. Vous allez vous reconnaître entre auditeurs d'énergie. Attention à mon go, vous êtes prêts? Ouais. 1, 2, 3 et go. Allez, klaxon. Klaxon. Bip, bip, bip, bip, bip. Klaxonnage, s'il vous plaît. Klaxonnage. Et venez me dire de quoi il en retourne là sur le WhatsApp 0492 222 002. Équipe au top, Vince, merci, c'est gentil. Greg, ouais, le sujet là, on va essayer de l'aborder demain parce que malheureusement pour aujourd'hui on n'a pas le temps. Et c'est vrai, j'ai complètement zappé. En plus, j'ai pris en photo ce sujet là. Bah, la fameuse histoire avec la pompe là, il y a un pompiste qui s'est fait braquer. Et quand il s'est fait braquer, malheureusement, il a sorti un flingue et il a tiré sur un des braqueurs qui malheureusement est mort de ses blessures. Ouais. Et donc, du coup, il y a un peu ce côté est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il a pas bien fait. Il y a un peu tout. Il y a des gens qui sont contre lui, comme des gens qui le soutiennent, comme des gens qui sont contre le braqueur, comme des gens qui soutiennent. C'est un peu un beau de qui est responsable. On va voir si on peut en parler dans cette émission. On va tenter en tout cas de le faire demain tranquille ou là. Entre temps, j'ai le plaisir d'accueillir Youssouf dans le standard. Salut Youssouf. Ouais, salut Vin. Yo, Youssouf est dans la maison. Ouais, on est là. Ça va Youssouf, tu vas bien? Ouais, tranquille, tranquille, et vous? Bah, ouais. Ça va, mon pote, on est là, on est tranquille. Tu viens de quelle ville, toi? Moi, je suis à Mons. Mons dans la maison. Mons. Ouais. J'aurais bien mis la musique du doudou, mais la batterie de mon ordinateur qui est plate. Et comme il n'y a pas de prise à 20 km à la ronde, je ne sais pas le charger. Ça fait au moins un mois et demi que je vous dis de rapporter une rallonge. Ouais, c'est ça, mais j'ai qu'une rallonge, c'est celle qui est dans mon bureau. Et ça s'achète, hein? Non, mais ouais, c'est ça vrai. Ça ne coûte pas grand-chose. Ouais, si, 2 euros, c'est la reste, tu vois. Donc, bon, Youssouf, on va faire le dragophone avec toi ce soir. Et pour t'affronter, j'ai le plaisir d'accueillir Geoffrey. Salut Geoffrey. Oui. Yo, ouais. Geoffrey dans la maison. T'as droit de dire. Ça va, Geoffrey? Toi? Ça va mon pote, je te dérange Geoffrey? Ça va, on dirait que t'es occupé là. Il a l'air concentré Geoffrey, on dirait qu'il est en mode... Ouh là là, je t'entends très mal Geoffrey, on dirait que t'as mis un haut-parleur ou un truc dans le genre. Non, c'est mon iPhone 10, c'est comme ça, à chaque fois on dit, et on c'est... dit ça à chaque fois. Ah, on te dit ça à chaque fois, bah, ça va être compliqué pour faire une blague à Canular, si tu fais la blague et qu'on t'entend pas. Attends, j'ai oublié ma plaque. Ouais, je t'entends vite fait, ouais, ça a l'air un peu bizarre ton téléphone quand même. Hein. Et là comme ça? Ça a l'air d'aller mieux, ça a l'air d'aller mieux. Okay. On va voir si ça va stabiliser. Bon, les amis, vous allez choisir avec qui vous voulez faire équipe. Alors, on choisit avec qui, on commence avec qui. Bah, tu sais quoi, vas-y, Youssouf, tu veux faire équipe avec qui en premier? T'as le choix entre... Tout le monde joue dans cette émission, je tiens à le préciser. Il y a le choix de Nigel, Lara, il y a Thibaut, il y a Eddy et il y a moi. Tu choisis qui, Youssouf? Bah, je joue avec toi, allez. Mais ah. Putain, je suis plus mauvais à jeu, Youssouf. Ouais, mais allez, t'inquiète. C'est okay. Pour ça que je dis ah. Ça rassure toujours les autres personnes. Geoffrey, tu veux faire équipe avec qui, toi? Tu te restes Lara, Nigel. Ah, bah, t'as dit quoi? Lara. Lara, voilà. Ah, fait... cool. Il n'a pas hésité. Directement, il a sauté sur Lara. Ok, bah, super. On lance ça dans quelques secondes, les amis. Je repasse Geoffrey au standard parce qu'on a un problème de connexion téléphonique, les gars. On l'entend vraiment pas bien c'est du tout, là. Donc, on est tous les deux un peu désavantagés, quoi. Bah, oui. C'est lui, on l'entend pas ce qu'il dit et toi, tu sais pas jouer. Effectivement, oui. Mmh. Ça arrive, ce genre de choses, hein, parfois. Et j'adore parce qu'il y a plein de messages qui nous disent Vince, ton téléphone, il est tout naze, là. Te rappelles-tu, Vince? Ah, ouais, merci. On envoie une photo dédicacée avec Lara, dont on voyait. Dont on voyait pas le visage. Je comprends pas comment cette photo a pu être validée. On bah a, ouais, on a dédicacé cette photo là, sur, là où on bossait avant en libre antenne et tout. Et Lara, on voit pas son visage sur la photo. Je crois que c'est du boycott. Ouais, j'ai l'impression. C'est pour pas qu'on perce. C'est ça. Mais en on fait. L'a percé quand même. Ouais, exactement. On a percé des boutons aussi. Bisous à Malika qui est connecté. Hello, hello les gars, trop bonne émission. Vince, trop fort. Je suis chauffeur poids lourd. C'est la première fois que j'écoute ton émission. C'est le précédent chauffeur qui avait branché la fréquence sur énergie. Oh. J'ai entendu le truc des klaxons. J'aurais dû filmer. Merde, il y a plein de gens qui ont klaxonné devant. Et tout ça. Ah bah oui, t'aurais dû filmer. Mais merde. C'est ce que j'en ai dit. Voilà, bah bravo. C'était pas une idée Hurluberluesque. Ah merde, bah c'est dommage ça. Mais c'est pas grave, c'est le plaisir d'avoir entendu des gens klaxonner dans les embouteillages. Hello Vince, cool klaxon entendu aussi. Je suis dans des embouteillages du côté de Liège. Je comprends pas comment ça se fait à cette heure-ci. Trop bien. Ouais, c'est vrai, je ne comprends pas non plus pourquoi. Les embouteillages ou Hello Vince, truc, j'ai entendu des klaxons, mais je sais pas si c'est parce qu'il y a eu un autre problème devant, mais en tout cas ça a klaxonné. Oh. Et c'est drôle les gens qui ont entendu des klaxons là par message. Merci de nous envoyer ça. Merci pour le partage. Merci les loulous. 0492 222 002. Bon, attention dragophone, ouais. Vous êtes prêts? Ouais. Eh ben ça arrive d'ici quelques minutes sur l'énergie. Je vous rappelle tout à l'heure là, on a la friend zone qui va débarquer. On a également le qui prendra cher ce soir. On va le faire ce soir, ça va être très très sympa. Oh, on a le mot de la fin qui va avoir lieu à 23h45 aujourd'hui exceptionnellement. On va le faire plus tôt parce que on s'est dit qu'on allait donner la chance à des gens qui écoutent pas forcément l'émission très tard. En sachant que 23h45. C'est censé être la fin de l'émission. Hein, c'est déjà très tard, effectivement. Voilà, Vince, si tu fais gagner une PS4, bah écoute, Anto, laisse le temps. Hein. Alim, tu lis plus mes messages. Mais si, mais on a tellement, les amis, j'arrive pas à lire tout le monde, c'est pour ça. Et Leïla qui m'envoie petite pub pour moi, s'il vous plaît, candidat 15 Miss Tattoo 2019. Ah ouais, joli, très beau tatouage. Des tatouages ? Très beau tatouage. Ah waouh ! Très sympa. Évidemment, elle va participer à Miss Tattoo. Eh ben, bon courage à toi. Alors, Leïla, je sais pas comment on vote, mais que les choses se passent. Elle nous écoutait dans son bain, je tiens à le préciser. Voilà. C'est cool. Comme ça, vous savez. Nigel n'a pas réagi. Ah, ben si, mais c'est que mon micro était éteint. Mais si, ton micro est allumé. Non, ouais. Mais regarde. Attends, regarde. Il est allumé, là. Voilà. En fait, il était baissé, c'est pour ça. Ah, okay. Désolé. Bah, ça va, tu peux gueuler pour me le faire remarquer, toi aussi. Ouais, hein. T'étais grave moche, en fait. Bon, les amis, ça arrive dans quelques minutes sur Énergie. On arrive avec le Dragophone. Bougez pas et merci à vous pour tous les messages. Si vous êtes au taf, courage à vous. Restez concentrés. On est là pour vous divertir. Vince, 21h minuit sur Énergie. Abonne-toi à la chaîne Énergie Belgique et découvre toutes les autres vidéos de Vince sur Énergie. Eh ben ça tombe très bien parce que figurez-vous que prochainement sur Énergie, il va se passer un truc. Il y a une vidéo qui va être diffusée là sur le YouTube d'Énergie. Allez déjà vous abonner, c'est important. C'est les dossiers du Darknet. On a fait une vidéo mais assez sympa. Je vous invite à aller la mater, elle sera disponible demain à 18h. Voilà, c'était la petite info. Merci à vous, bisous, à tout de suite. Vos stars préférées reviennent toutes à Cannes le 10 novembre pour la plus grande cérémonie musicale en Europe. Ça va à Cannes ? Les nommés sont... Votez maintenant pour vos artistes préférés sur energie.be. Les Energy Music Awards 2018, le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1. Energy. Hit music only. Vous retrouvez la météo sur Energy avec notre partenaire. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. Fell in love, we used to hold hands, man, that was enough, yeah. Then we grew up, started to touch. Used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side, in the city with the sun all set. And every day you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life, then you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, cause I'm gonna break it. So come away, start it today. Start a new life together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day you know where we ride, through the back streets in a blue Corvette. And baby, you know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want, drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, singing. We can do anything if we put a mind to it. Take your old life and you put a line through it. Play with me. Run away now. Run away now. We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all. Il est bien Jonas Blue avec Rise, c'est ce qui débarque tout de suite sur l'énergie. Et Dragophone, ça arrive aussi. Et purée, ce soir on va jouer DJ Snake avec Taki Taki, ça arrive après. Et il est bon ce morceau, on arrive, bienvenue sur l'énergie. Must be seen. But what they don't know, no, no, is we don't care. We're gonna keep it on going till we can't go no more. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. Yeah. Merci pour tous vos messages là, de plus en plus nombreux le soir, il y en a des milliers qui tombent dans l'émission, c'est assez ouf, vive le WhatsApp quoi. Bisous à Léla qui m'envoie des photos de tatouages, ça me donne une idée d'ailleurs, tiens. 21h minuit. Du lundi au vendredi. 21h minuit sur Énergie. Avec on Energy Radio, Nouvelle Radio Jeune. Ça me donne une idée de ouf là en fait avec Léla. Elle m'envoie des photos de tous ses tatouages. Elle participe au concours donc Miss Tattoo 2019 et tout. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te faire tatouer? Mais en fait, est-ce qu'on ferait pas une émission spéciale tatouage? On offrirait des tatouages à des auditeurs qui ont envie. Parce que bon, voilà, le tatouage. Je pense que est-ce que c'est encore tabou sérieusement? Non, non c'est tabou. Non, clairement pas. Donc, voilà, on est bien d'accord. Parce que ouais, tu sais quoi, je pense de plus en plus à me faire tatouer. Mais est-ce que ma meuf me met ça en tête, elle abuse. Je sais pas où, j'en sais rien du tout. Juste voilà. Au-dessus de la teub. T'imagines avec ma teub, on pourrait dessiner. Comment il s'appelle encore le personnage dans Bob l'éponge là? Le calamar là. Tu sais, il a un pif comme ça tout chelou. Mais oui, le comment il s'appelle? Patrick. Ouais, non, l'autre. Non, pas Patrick. Le voisin, Carlos. Ouais, Carlos, franchement. Ah, Carlos. C'est un pif un peu à la con comme ça. T'as comment je manque de respect à ma teub, c'est un truc de ouf. Et Thibaut. Bah, du coup, ce serait intéressant d'inviter un tatoueur ici et tu te fasses tatouer ici. Ouais, grave, complètement. Et puis qu'un des membres de l'émission encaisse un tatouage qui n'est pas prévu. Ah ouais, mais non. Voilà, qui n'a pas décidé, par exemple. On se fait tatouer Énergie. Qui oserait se faire tatouer Énergie ici? Moi je me tatoue pas donc c'est bon. Toi c'est Nigel, tu vas pas le faire. Et je regarde Eddie là. Quel auditeur qui nous écoute, oui, puisque. Il serait capable de se faire tatouer Énergie. Ouais. Grave. Du coup. On salue tonton Roger, hein, qui avec qui on a fait de la radio et tout. Mais qui non, lui, faut pas donner son exemple. Qui lui s'est tatoué. Non, arrête, il s'est tatoué mon logo à moi. Voilà. Ouais. Et le logo de l'ancienne radio. D'ailleurs, il est en train d'effacer le logo de l'ancienne radio. C'est le problème, maintenant t'as niqué le game. Mais non, mais pas forcément. Mais ça donne pas du tout envie à quelqu'un de se faire tatouer. Mais justement, si. Bah, regarde, j'ai plein de messages de gens qui disent moi je suis cap. J'ai quelqu'un qui m'a écrit, moi je suis cap. Dites-le nous en note vocale. Leïla me dit, moi je suis cap. Eh ben Leïla, ça te dit de le faire ici dans une émission de radio? Et franchement, si Leïla tatoue Vince, je. Eh ouais, Vince. Ma meuf va faire la crise de jalousie du siècle. Mais moi je kifferais trop de ouf. C'est le marketing poussé à l'extrême. Grave, ouais, c'est de la promo ça. Ce serait trop bien. C'est un placement de produit. Bah, attends, mais Diplo, il a tout compris. Bah, ouais, mais... Les meufs, elles sont tatouées son Diplo d'Ocus. Ouais, d'ailleurs, Domino's Pizza, ils ont été dans la merde. Ils ont fait ça, Domino's, en Russie. Si jamais vous tatouez un tatouage Domino's, vous mangez, je crois, à vie chez Domino's. Ouais, Domino's, mais le truc, c'est qu'il y a un mec qui l'a fait ça, il regrette à vie aussi. Il y en a plein qui l'ont fait mode juste pour le tatouage. Il y en a plein qui l'ont fait. Non, c'était un petit qu'il fallait faire. Tant que tu te faisais le tatouer. Et en fait, il y en a plein qui l'ont fait. Le truc a eu plus de succès que prévu. Donc, du coup, ils ont rechangé les conditions. Je crois que c'était pour les 50 premiers qu'ils avaient fait. Je sais pas très bien, je connais plus les détails, mais c'était assez drôle. Et Damien, il nous dit quoi là? Mais Damien, arrête de m'envoyer des photos de ton cul là. T'as mis quoi dedans? Un poireau maintenant, putain, ou un concombre? Non, mais, mais attends, mais moi je veux bien te tatouer Énergie sur la teub. Comme ça, on sucera ma grosse panthée. Et le mec en plus il est drôle. Oh putain, on la réécoute, que... on la réécoute. Attends, il m'a tué là. Moi je veux bien me faire tatouer Énergie sur la teub. Comme ça on sucera ma grosse panthée. Je suis trop belle. Oh my gosh. Toi, mec, je t'aime. Mais attends, c'est une bonne idée parce que finalement, on peut se faire tatouer une panthère. Ouais, ouais. Ah ouais. C'est-à-dire ceux qui ont ça peur. Ça a la gueule encore, ça, voilà, la panthère. Hein. Une panthère, ça le fait. Grave. Mais la panthère d'énergie, tu vois. Elle a une grande panthère. Bien sûr, bien sûr. Une grande panthère. Ah, lui. La panthère d'énergie, elle est jolie quand même. Elle est superbe. Tu sais, quand Dieu a fait la femme, il a pris une côte d'Adam, mais quand il t'a fait à toi, il a pris le filet mignon. Merci Renato. Merci Renato. Merci Renato. Renato. Alors Vince, je me suis même tatoué dans la bouche. Quoi ? Mais si, la lèvre. Oh mon Dieu. Hey, envoie une photo. Leïla, n'arrête pas d'envoyer des photos de tous ses tatouages. C'est hallucinant. Il y en a combien ? Bah écoute, je sais pas. Pour l'instant, de ce que j'ai vu, regarde, j'ai une petite vidéo. Elle m'a envoyé une vidéo ici, là. Hop. Alors. Elle est en train d'écouter une émission de radio. Mais c'est très noir. Ouais, c'est sombre. C'est son huile. Tu vois un petit peu ou pas là ? Ouais, j'ai vu, c'est son bras ça. Ouais, c'est son bras. Ah, mais elle a des trucs. Elle a plein de tatouages. C'est trop fort quand même, WhatsApp, on peut voir ce que vous faites en temps réel, c'est trop génial, merci en tout cas. Et big up, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message, je crois que je l'ai perdu, c'est Philippe. Voilà, salut toute l'équipe, je suis chauffeur poids lourd de nuit dans la région de Jean Blou. Je vous écoute tous les jours, vous êtes vraiment terrible, continuez. Oh, sympa. Ainsi, je me marre tous les jours, grâce à vous, j'oublie la solitude. Bisous, t'es certainement pas seul, mon pote, on a avec toi. Et c'est parti. Geoffrey dans le standard, on va enfin lancer le Dragophone. Geoffrey contre Youssou, vous êtes prêts les gars ? Ouais, c'est bon, ouais, ah, on est là. Splendide, concentration totale, attention. C'est parti, on va commencer avec Geoffrey qui fait équipe avec Lara ce soir. C'est moi. Yes. Geoffrey, tu dois tenter de te faire inviter chez quelqu'un qu'on ne connaît pas, on appelle au hasard. Et okay. La personne doit dire oui bien sûr, elle doit répondre par l'affirmative. Donc quand tu demandes, est-ce que je peux venir chez vous maintenant ? La personne doit dire oui, il faut venir maintenant, pas demain, pas après-demain. Ouais, okay. Pas t'es déjà passé. Maintenant et chez la personne, pas devant votre porte. Ouais, et tu peux pas dire que tu passes à la radio. Exactement, tu peux pas dire que tu passes pour un jeu ou à la radio. Et mon conseil, ne te fais pas passer pour un vendeur. Ça ne fonctionne pas à cette heure-ci. Et tu as, vous n'avez que une minute pour Exactement. Faire ce travail. Ouais. Donc allez à l'essentiel et placez des j'arrive. Ça aide. Okay, c'est parti, on appelle. Let's go. On lance tout de suite en direct sur Énergie. C'est qui parle, commence en premier ? C'est d'abord Geoffrey. Ah, c'est le mien. Et après, c'est Youssou. Allez, Geoffrey. Allez, Geoffrey. Coucou à SMSM. Il est pas chaud, hein, Geoffrey. Geoffrey, remets une déglace. Vince, moi je me ferai tatouer en live, en direct. Cool. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, bonsoir monsieur, excusez-moi de vous déranger, mais je suis donc en communication avec la police pour le moment. J'ai mon drone qui vient d'atterrir dans votre jardin, et alors il demande l'accord pour voir si on peut rentrer directement maintenant chez vous. Pas de jardin. Parce que j'étais en train de faire des vidéos et tout ça, un peu au-dessus, et j'ai vraiment besoin de le récupérer, parce que c'est un drone assez cher. Et voilà, je vais finir avec la police. Il a raccroché Oh non, il a accroché. C'est l'idée était bonne, hein. Franchement, très, l'idée est très bonne. Très bonne idée. Oh merde. Ouais, mais disons que le mec, il habite dans un appart, ouais, c'est mort. Ouais, mais tu l'embrouilles. Oh là là. Bon, à mon avis, il a peur. Ouais, non, mais ça fait flipper les gens quand on les appelle à 22h44. Je suis désolé, ouais. Geoffrey. Bien joué quand même, hein. L'idée était vraiment bonne. Oh là là, presque. Bon, c'est pas grave. C'est bien pour ma team. Youssouf, t'es prêt ? Ouais, je suis prêt. Allez, attention. Youssouf, bon coup. On appelle. Bon courage, mon pote, c'est parti. Let's go. J'ai mal. Hey, donne-toi. Youssouf. Youssouf beaucoup. Dans la vie, vous savez. Youssouf beaucoup. Vous avez fini vos jeux de mots, la con, là. Allez, Youssouf, vas-y, fais-toi inviter. Moins d'une minute. Pardon ? Attends. Oui, bonsoir, monsieur. Attends, ça va décrocher, j'aime pas qu'à l'heure. Bonsoir. Donc, c'est la pizzeria Grégoire ici. Donc, on vient de nouvelles pizzerias dans le coin et on offre donc chaque soir donc des parts de pizza pour nous faire connaître un peu. Donc, si vous êtes d'accord, ben, je peux passer chez vous pour vous faire goûter quelque part, quoi. Vous êtes d'accord ? Je peux venir ? Quoi ? C'est gratuit, hein ? C'est gratuit. C'est quoi ? Oui, c'est pour. Je vous ramène quelque part de pizza pour goûter. Je suis une pizzeria nouvelle dans le coin. Ça vous intéresse ? Je peux venir passer chez vous ? Il a raccroché, raccroché. En plus, le mec, il a dit c'est quand, tu vois. Mais dommage. Oh là là. Désolé Youssouf. Bon bah ça va se passer, ça va se séparer entre Lara et moi, oh du coup. Hein. Oh la fight. J'ai pas du tout d'idée. Oh, tu sens la pression. Oh putain de merde. Pression de tuto. Non, la guerre des tétos. On va se battre Lara. Attention. On va commencer avec Hashtag duel. Putain, je sais pas. Hashtag. Je sais que Lara, elle est toujours forte. Hein. Et puis une femme arrive toujours plus facilement à se faire inviter. Bon, ça dépend. Donc tu sais quoi ? Roue du style. Oh, tu veux nous donner un style. Ah, ouais. Bien la roue du style. Très bien. Et eh ben malheureusement j'ai pas l'effet sonore de la roue du style, mais j'avais pas de style non plus. Hein, donc j'espère que c'est t'as prévu ça. Choisis. Moi j'ai des styles. Eh ben super. Vas-y tourne la roue. Vas-y tourne la roue. Je la tourne. Ça tourne la roue. Attention. Ça je fais l'hélicoptère avec ma bite. What? Oh my god. Attention, la pression est immense. Qui va gagner le dragophone ce soir? Connard. Bonsoir Vince, bonsoir la team. Moi ? C'est la porte, c'est pas la panthère d'énergie, mais presque. Christelle qui m'a envoyé un truc. C'est tombé sur l'accent québécois. L'accent québécois, mais Lara, elle gère l'accent québécois de ouf. C'est toi qui le fais, voilà. Non, non, mais non, non, non, non. Non, je le gère aussi. C'est censé être une défi. C'est à moi ? C'est à toi, Lara. Attention. C'est pas de bon sens, ça, là. C'est parti avec l'accent du Québec. C'est parti, là, mais quelle heure il est au Québec, là ? Je vais te faire inviter maintenant, bon courage. C'est pour qu'après Patricia, là. Attention. Allô ? Allô ? Oui, tu sais pas que je suis arrivée à l'aéroport, là. Tu es pas venu me chercher comme tu avais dit, là ? Excuse-moi, je pense. Excusez-moi, ben je prends Uber là maintenant tout de suite si j'arrive chez toi, OK? Non, c'est pas OK. Ah, pardon, je me suis trompée de numéro, là? Oui, je pense. Ah, je suis désolée, bon, je vais arriver chez mon copain, mais je pense que c'est... Enfin, en fait, j'arrive chez toi, si c'est pas chez toi, ben j'arrive pas chez toi, mais j'arrive, OK? OK? Mais c'est okay. pas bien. OK? Non. T'es pas commode, toi? Attends, je t'ai dit... Si je me trompe de personne, ça veut dire que j'arrive pas chez toi. Mais moi, j'arrive chez toi, OK? Mais t'arrives pas chez moi. Ben non, pas chez toi précisément, mais j'arrive chez toi. OK? Mais comment arriver chez moi? Mais t'es pas de bon sens, toi, mais t'as pété un cap, tu n'es pas de bain raide, là. Je comprends pas ce que tu me fais, là. Dis-moi, oui, c'est tout, j'arrive maintenant. T'as perdu. What? Oh my God. Calis! Jésus-Christ! J'arrive maintenant, là? Pas le temps, le fion. Non, bah une minute passée, il est mais plus là. Mais c'est quoi ce gars? C'est foutu. Désolé, ce soir ça sent la grosse défaite. Fermez vos gueules. Hey. Attends. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce toi, qu'il y a? Maintenant. Moi. Imagine que c'est mercredi 10 octobre 22h47. Ton téléphone sonne, OK? Ouais, toi, Vince, OK? T'es chez toi, tranquille. Oui. T'as quelqu'un, Céline Dion, qui t'appelle, là, qui te dit « Je suis à l'aéroport, j'arrive. » Mais les gens n'ont pas d'humour, parfois, Lara. Céline Dion, pardon. C'est pas de bon sens. Ça. C'est pas de bon sens. Je comprends pas l'histoire, là. Voilà, le gars, là, j'arrive chez toi, c'est pas chez toi, mais j'arrive chez toi, non. Donc, du coup, bah, ça va être à moi de m'y coller. Je viens de tourner. Je suis très pourri à jeu, mais on va se marrer quand même. Tu dois faire un accent Rouskov. L'accent Rouskov. Ah, j'adore. Ah, il est de retour, Vladimir. Dimitriouf. Dimitriouf. Dimitriouf. Sans vaccin. Je m'appelle Dimitriouf ou Dimitriouf? Dimitriouf. Non, Dimitriouf. C'est pas dit, attention, on appelle. Kalinka. Dimitriouf, parce que c'est un fou. Il va mettre une musique derrière. Dimitriouf. Dimitriouf. Moi, je l'ai trouvé. Da. Ça, c'est grec. Non, c'est Zorbal grec, mec. Mais non, c'est russe, mec. Ah oui, c'est Kalika, Kalika, Kala. Ouais. Le mec m'a dit que c'était grec. Zorbal grec. Ah, ça décroche pas d'appel ailleurs. Ils ont peur. Non. Ils ont peur, l'eau. Ça, c'est le combat du grand froid, là. Canada contre... Attention, ça va décrocher, hein. Peut-être. Est-ce que c'est la guerre froide pour tout le monde? Allez, faut que je décroche. Allez, décroche. Les ressources premières, hein, le gaz, tout ça. Ah, voicemail, on rappelle ailleurs. T'as pas de chance? Da. Oh. J'adore manger de la poutine québécoise. Ah, oh, j'adore. Ça, c'est... Mais ça, je rive au calme, mais que se passe-t-il? C'est vraiment la blague raffinée, quoi. C'est le fin, ce type-là. Ouais, complètement. J'ai des blagues entremêlées, je suis sur l'énergie, avant j'étais sur le KGB. Nouvelle radio jeune, et KGB, c'est les... Essaye de trouver la signification de KGB. Kalachnikov. Beretta. 62. Glock. Ouais. Non, ça décroche toujours pas, on appelle ailleurs encore. Glock Beretta. Allez, dis donc, qu'est-ce qui se passe? Ils ont peur de moi parce que je suis ambassadeur de Poutine, Vladimir. Ah, je vous trouve vraiment craquant, là. Ah bon? Mon homme à la grise. Attention, à cause de vous, je pourrais reconstruire le mur. What? Le mur de Berlin. Faites-moi l'amour. Le mur, pardon. Excusez-moi. C'était pas destiné à un film. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. J'ai répondu. Répondez à Rouskov. Répondez à Dmitriev. Sinon, moi, venir chez vous, Kalachnikov, bang bang. Parce que moi, vraiment, bang bang, pas comme Migos. C'est quelqu'un qui a décroché? Non, ça décroche pas. Rappelle ailleurs. T'as perdu, pas. Hein. Après 6. Non. On rappelle ailleurs. C'est bizarre, hein. Ah, on nous dit KGB, signe de comité. Oh putain, je sais pas lire. Allô, bonsoir. Allô. Hé, hey, le standard est en train de m'aider. On va arrêter de parler parce que j'ai l'impression qu'il nous grille. Ouais. Allez, il faut décrocher, là. À un moment donné, ma patience commence à limite à voir. Larmo, ça, mon finger. J'ai vraiment commencé à m'énerver. On me dit que KGB signifie comité, Goose Davrens Dvoiv, Bezos Panotis. N'importe quoi. Si vous êtes russe, je suis désolé de, de massacrer. On me dit, mort de rire, tu fais l'accent arménien. Allô, bonsoir. Oui, allô. Oui, bonsoir. Moi, être agent Dimitriov, est-ce que moi pouvoir venir chez vous tout de suite? J'ai une mallette avec de la cocaïne à donner. Je me suis fait raccrocher au nez comme une petite malpropre. Cette personne va mourir. Lui pas savoir que Vladimir Poutine très ami proche à moi. Cette personne mourir dans exactement 3 secondes d'empoisonnement. Oh my god. Dimitriov très vénère. Très fâché. Oui, Dimitriov faire du verlan aussi. Colère. Très colère. Oh là là. L'Union socialiste soviétique me manque. on a raté tous là. Eh ben décidément, ce soir, tout le monde a perdu. Non, quel dommage. Bravo à tous les perdants. Ah, oh, quelle tristesse. Quel team de Geoffrey et Youssouf, nous avons tous perdu ce soir, Lara et moi y compris. Et oui, il ne s'est rien passé, c'était la déception totale. On a tout fait, on a essayé, mais voilà. Je serais peut-être meilleur pour fabriquer alcool vodka. Vince. Oui, Geoffrey. Je peux m'organiser pour te faire venir quelqu'un pour des tatouages gratuits. C'est comme ça fera sa pub et tout. C'est bon ça, avec plaisir, tranquille. Je m'arrange avec toi sur WhatsApp. Très bien. Et je m'arrange avec lui en même temps. Attention. Eh bien, viens. Aiguille empoisonnée. Voilà. Oui. Agent de KGB infiltré. Bon, votre dossier sur Donald Trump. Je vais regarder un petit peu dans les premiers messages que je t'avais envoyés pour mon ami. Ok, je vais checker ça. Mais autant que tu me le renvoies, mon pote, hein, parce que je t'avoue que le WhatsApp, je vous explique. Dans l'émission, on laisse brancher. Parce qu'il suffit de le débrancher pour qu'il y a tout qui parte. Genre, la batterie part d'un coup, quoi. Tellement on a des messages qui arrivent, c'est hallucinant. Je vais t'envoyer en cadeau aussi de mon magasin, comme ça, une batterie pour mettre dessus de 20 000 milliampères, comme ça. Hey, il va me mettre bien, là. 20 000 milliampères. Ah ouais, c'est pas du 2000 qu'on vend normalement? En magasin? Ah oui? C'est 20 000 maintenant, oui. Tu peux recharger jusqu'à 10 fois un iPhone X avec. Ouais, c'est ça. C'est un bug chiche. Faites attention. C'est intéressant, 10 fois. T'imagines? Tu m'envoies la Dix fois, je l'enverrai dès demain. T'imagines, tu pars dans un endroit forêt amazonienne. Chose de Louvain, c'est ton 75. Ah ouais, au nom de Vince. Ouais, on parle sur WhatsApp, pas de problème, Geoffrey, ça va? Pas de problème. Et parle-moi tout de suite, bisous, bonne soirée. Ok, merci beaucoup. Salut les gars. Ciao, bye bye. Quand on peut gratter, on gratte un peu, hein. Référence à hier. Merci Youssouf, désolé mon pote, ce sera pour une prochaine. Ouais, avec plaisir, un autre drago quand vous voulez. Exactement. À bientôt Youssouf, ciao. Ouais, salut. Ouais. Ciao mon pote, bye bye. Raccroche pas, je te passe tout de suite au standard là. Et Leïla qui m'envoie un message vocal là, ça dit quoi? Moi, si vous voulez, je me fais tatouer ce que vous voulez. Oh le. S'il te plaît, viens, on lui met une teub sur le cul. Non, mais non, la gueule, arrête. Attends, en plus, elle a l'air d'en être capable, hein, quand je vois tous les tatouages qu'elle a déjà. Ah ouais, elle a full tatouage. Vince, point. Ouais. Grave, bah oui, bah allons-y, hein, ça pourrait être très sympa ça. Avec la teub de Vince. Et mon pote, merci pour le message là. Ça dit quoi? Vince, c'est dans la maison. Hey, big up mon gars, tu gères. Merci Julian, c'est cool. Allez, c'est parti les amis, musique. Nouveau hit. Oh yeah. Nouveau dans la playlist énergie. DJ Snake. Featuring Selena Gomez, Cardi B et Ozuna. Il est trop bien ce morceau. Taki taki. On arrive tout de suite sur Energy. Soyez bienvenus, on est en live. Vince dans la merde. Aquí. Prende los motores de Kawasaki. En la discoteca está Jenny. Llegaron los Anonaki. No le pare. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. El puri sobresale de tu traje. No trajo panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe. Cuenta que no quiere, pero me tiene espionaje. Báilame como si fuera la última vez. Y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. Taki taki, taki taki rumba. Touch it and tease it and squeeze it. When my piggyback is hungry, my nigga, you need to feed it. If the text ain't freaky, I don't wanna read it. And just to let you know, this punani is undefeated. Ayy, he said he really wanna see me more. I said we should have a date where at the Lamborghini store. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a Ouija board. But I'm a boss, bitch. Who you gonna leave me you for? You hoes got no class, you bitches is broke still. I be talking cash shit while I'm popping my gold grill. I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still. The love be so fake, but the hate be so real. Sobresale de mi traje, no traje panticito pa' que el nene no trabaje. Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes. Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. My body already know how to play. The work could keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, you're falling in love. Give a little ooh, ooh, get it well done. Dance on the mall, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party, it's a fiesta. Blow out your candles, have a siesta. We can try, but don't know what can stop me. What my talkie-talkie wants, get my talkie-talkie gives. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki, taki, taki, taki, rumba. C'est quoi, j'ai une idée de remix assez sympathique. Vous allez découvrir ça vendredi dans Extravadance. S'il y a bien un mec qui est disponible H24 pour t'aider. Bah, qui Vince. Vite, ah ouais. Vince. 21h30. J'ai demandé mon avis. Du hein. Lundi au vendredi. Vince sur Énergie. Ouais, Vince est dans la maison. Oh my gosh. Yeah. Oui, alors oui, ok, d'accord. Je suis là 24h sur 24, effectivement, via le WhatsApp. On essaie de répondre un maximum. Mais oh, et je suis dépassé par le WhatsApp, les gars. Faut m'aider. J'arrive pas à passer en dessous des plus. Non, 909 de notifications. Bah, frère, je suis à 909. C'est tout. Non, mais arrête, succès, c'est le succès de l'émission, c'est le succès de tous. Oui, c'est ça. Mais c'est-à-dire qu'on essaye vraiment de répondre à tous les messages. Et parfois, on les rate, donc faut pas hésiter à les renvoyer. Histoire que ça se retrouve à chaque fois en tête de la discussion. Parce que, tu sais, tu descends, tu réponds à 300 messages. Répondre à 300 messages, je sais pas si vous vous rendez compte. Tu réponds à 300 messages. Tu réponds pas genre, ouais, merci. Tu essaies de d'écrire, voilà. De relire la conversation. Et, attends, ça c'était qui? Ah ouais. Exactement, de te remettre dans le cadre de l'émission. Quelqu'un avait réagi par rapport à l'émission avec expliquer quelque chose et tout. Et tu sais, il suffit que tu le poses le téléphone pendant 10 minutes, tu reviens, ça y est, c'est foutu. Je te jure, c'est hallucinant. On essaie de faire un maximum, en tout cas. Merci pour tous les messages, vraiment. Merci. Vous avez pas idée à quel point ça nous touche. Steven qui dit, Vince, la base, on t'aime, merci, c'est gentil, les gars, vraiment. Signification en français, Vince, pour KGB, c'est le comité pour la sécurité de l'État. Ça rigole pas. Hein. Samira aussi qui est connectée. Vince, bonsoir. Je voulais savoir si je peux avoir le replay des deux gars qui sont disputés hier entre 23h30. Là, s'il vous plaît, merci. Ah ouais. Ou bien envoyez-moi le lien sur WhatsApp. Dites-moi, s'il vous plaît, j'attends la réponse. Alors, numéro 1, Nigel, est-ce qu'il est disponible? C'est Samira qui demande ça. Est-ce qu'on a ça dans le podcast là? Parce que je sais que notre technique a un peu galéré. Ouais, bah, il nous a envoyé un mail cet après-midi. Pour dire quoi? Et donc pour lui dire que maintenant on va pas pouvoir mettre directement en ligne, mais ouais. On pourra le faire manuellement en fait. Ouais. Donc, dès qu'on sera à l'antenne, on devra mettre des in et out. Enfin bref, c'est un peu de la technique et donc ça peut être disponible le lendemain. Ah, donc en fait, ils veulent pas que qu'ils fassent le taf, mais nous, c'est ça. Mais non, en fait, c'est automatiquement. Tu t'es fait baiser, Nigel. Ils sont malins. Non, d'accord. Non, parce qu'en fait, ils sont en train de gérer un problème technique. Ah, d'accord, ok. Bon, qui va être réglé d'ici la fin de la semaine. Pour ceux qui étaient là hier, on a eu un moment magique dans l'émission. Il y a un gars qui a fait les 4 punchlines à son pote. Son pote s'est énervé. C'est tellement énervé qu'il a commencé à balancer des choses privées, enfin dans le domaine professionnel et privé. Ouais. Genre, ouais, tu sais quoi, je vais balancer à tout le monde que toi et moi on vole, que toi et moi on fait ci, que toi et moi on fait ça, blablabla. Dans la boîte où il travaille. Un crotte va être visuellement. Bah voilà, et tout. Et donc c'est parti en sucette, c'est parti en galère. Le mec, à un moment donné, on a beau essayer de lui dire, d'arrêter de balancer, en lui disant, écoute, arrête, t'es sur énergie, le mec voulait pas écouter, il a continué, il a balancé des trucs, il a même balancé des trucs privés sur sa meuf. Ouais, ta meuf. Ouais, genre c'est une chouin. Qui a été visiblement qui a trompé le gars. En fait, tout un boxon. Et vous savez quoi? Vous demandez tous après lui. Bah, c'est lui qui a demandé après nous. Quoi? Et il est avec nous en ligne. Allô, bonsoir. Ouais, allô, bonsoir. Ouais, franchement, c'est quoi, vous êtes. Franchement, allez vous faire foutre tous. Non, bah attends, Sébastien, il faut que tu nous expliques ce qui se passe là. Parce que Sébastien, c'est le mec qui a été piégé hier et qui a tout balancé de ce qu'il faisait. Qu'est-ce qui se passe? Déjà,

Non, je ne vais pas vous insulter, mais bon. Tu dis, veuillez agréer mes salutations distinguées, c'est pareil. Vous savez ce que je pense de vous, et vous savez ce que vous êtes, c'est tout. Et Christelle, là, surtout la petite Christelle, là, qui fait des messages en cas. C'est qu'une. C'est incroyable, putain. Oh là là. Eh ben voilà, il a raccroché. Bon ben. Le mec a voulu faire son mot de la fin. Lison avec Boys, c'est tout de suite et on va lancer la friendzone. Un petit peu d'amour dans ce monde de haine. Incroyable, bienvenue sur NRJ. Mais quel bordel! Oh là là! What you say, boy? You tryna play coy like a game boy? Hit my phone, boy. Is your homeboy? Are you alone, boy? Come give me down, boy. Got a boy with degrees, a boy in the streets, a boy on his knees, he a man in the sheets. Sheesh, it's all Greek to me. Got this boy speaking Spanish, I hit my beer. Baby, I don't need you. Just wanna freak you. I heard you a freak too. What's 2 + 2? Mississippi boys, inner city boys. I like the pretty boys with the bow tie. Get your nails did, let it blow dry. I like a big beard, I like a clean face. I don't discriminate, come and get a taste. From the playboys to the gay boys. Go and slay boys, you my fave boys. Baby, I don't need you. I don't need. I just wanna freak you. I want it, yeah. I heard you a freak too. That's right. What's 2 + 2? Ah, mes aïeux, oh mon grand-père, oh là là, incroyable, oh purée, mes ancêtres, mon Dieu, qu'est-ce qui vient de passer dans cette émission? Oh my god, c'est incroyable, ah non, mais c'est parti en sucette cacahuète dans tous les sens. Bienvenue à vous, bienvenue sur NRJ, 23h28, mot de la fin d'ici pas très longtemps. Avant ça, Martin, mot de la fin, c'est un jeu, je précise, hein, c'est pas genre le dernier mot, on va pas finir avant minuit. Hein. Martin dans la maison! Yes! Ça va, Martin, tu vas bien? Ça va encore? Ça va, mon pote, tranquille, t'as passé une bonne journée ou quoi? Ça va, ouais, au taf, hein, normal. Ah, t'es au boulot là pour l'instant? Non, j'ai fini à 20h, heureusement. Ah, heureusement. Tu travailles dans quoi, Martin? Quoi? Tu travailles dans quoi? Je travaille au Carrefour, dans un Carrefour Market. D'accord, et ok. On va terminer à 23h30. Bah, à 20h, il a dit. Ah, à 20h. J'ai fini à 20h. Et c'est cohérent, parce que le Carrefour, généralement, finit à 20h. Voilà. Oui. Entre nous, je pense que c'est plus simple que auditeur. Attends, répète ce que tu as dit, tu es un de mes plus quoi? Je suis un de tes plus vieux auditeurs. Je vais t'expliquer, mais je suis pas sûr, peut-être que tu vas me dire, ouais, tu te trompes. Explique-nous. Oh là là. Et après, il fait la friendzone, je le précise. Ouais, explique-nous, raconte. Fais vite, on n'a pas tout le temps. Ah, d'accord, voilà, mais on va pas le faire. Non, t'inquiète pas, putain. Attends, fais pas gaffe à Nigel, vas-y, on t'écoute. Faut pas écouter, Nigel. Prends ton temps. Je t'écoute. Yo. Je pense que je te connais. En fait, moi, j'écoutais d'abord Guillaume Clay. Wow. Ouais, ouais. Qui sur était sur NRJ à la base. Sur NRJ avant ou parce que c'est compliqué, il y a eu plein de transferts radio. Il y a très, très longtemps. Oui, tout à fait, oui. Si je ne me trompe pas, à la base, il était là. Puis, il est passé sur Fun Radio. Exactement, ouais. Et puis il est parti sur RZR France. C'est possible, oui. Après, oui, j'ai pas trop suivi le parcours, mais je crois, oui, à ce moment-là, oui. Ah, j'en sais rien. Je sais pas où il est parti. Mais au moins, au CRTC, je sais pas comment dire, tu l'as suivi. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à te suivre. Je l'ai suivi, mais non. Je l'ai suivi quand? Mais t'as pris sa place dans les émissions, je sais pas quoi. Ah ouais, non, ok, je me souviens. Quand moi, je suis arrivé en même temps que lui sur Fun Radio. Il y a des années de ça, parce que je fais de la radio depuis très longtemps, depuis une dizaine d'années. Oui. Tu faisais plus tôt et juste plus tard. Voilà, un truc dans le genre. Exactement, oui, je me rappelle plus très bien. Ouais. À ce moment-là, voilà. Mais bon. Purée, mais ça date de 2010, hein, mec. Complètement. Waouh. Waouh, quand Nigel avait encore 14 ans, il m'écoutait aussi dans sa chambre dans le noir. T'aimais bien m'écouter dans le noir. Eh ben, franchement. Avec ton gros cul. Martin, ça fait plaisir, non, mais franchement, ça fait vachement plaisir. Ça fait longtemps. C'est. Voilà. Cédric, ah ben, tiens, il y en a d'autres qui disent, Vince, c'était en 2011 quand tu faisais le week-end. Mais heureusement, on me rappelle des trucs. Ouais, hein. Et même. Je sais pas, je te rappelle, il y avait un type qui vendait des fausses montres, je sais plus quoi. Il te tranquait à chaque fois, tu te faisais avoir. Un gars qui me vendait des fausses montres. Des fausses montres Mickey, tout. Non, genre, il collectionnait des montres Mickey, tout ça. Attends, oui, à l'antenne. Ouais. Attends, ça me rappelle un truc, mais ça n'a pas duré longtemps. Mais je me rappelle d'un gars qui m'appelait, ouais, pour l'histoire de montres, mais je sais plus très bien, je me rappelle plus des détails. Ah, longtemps, moi, c'est un truc qui m'a choqué. Mais mec, bah ouais, c'était en 2011, attends, toi aussi. Ouais, ça fait longtemps. J'adore. Eh ben, en tout cas, Martin, ça fait vachement plaisir, mais juste une question, Martin. Est-ce que tu as mis ton haut-parleur par hasard? Non, pas du tout. Ouais. On peut dire que sa vie est à chier. Par contre, il y a des gens qui sont dans la voiture qui sont à côté et qui ont mis la voiture très fort, du genre de diminuer peut-être. D'accord, non, parce qu'en fait, je sais pas, on a l'impression que ton téléphone il coupe quelques mots que t'es en train de dire, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Et d'ailleurs, c'est drôle que tu me parles de ça. Moi, je voudrais juste demander un truc. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent là depuis très longtemps, ou alors genre ils nous ont découvert il y a peu de temps là. Je voudrais savoir sur Énergie. Dites-nous un petit peu là, si ça fait un moment que vous connaissez l'émission, ou genre vous venez de la découvrir. Et quand est-ce que vous avez commencé à écouter? Alors quand je dis l'émission, c'est le nom Vince. La marque. La marque, exactement. Je voudrais savoir, peut-être qu'il y en a qui viennent de les découvrir. Ben, bienvenue à vous. Franchement, bienvenue dans cette belle aventure. On va passer pas mal de temps ensemble, des délires et tout, bientôt près de chez vous. Donc, bouge pas Martin, bouge pas. Donc dis-nous depuis quand est-ce que vous nous écoutez? Si vous avez des dates, plus ou moins un repérage, on en parle tout de suite. Surtout, on va lancer tout de suite la Friendzone sur Énergie. Bienvenue. Chaque matin, vous vous réveillez avec Énergie. 20 secondes et c'est la lettre E. Mais tu sais, je pense à hélicoptère, mais il y a un H. Le 6-9 sur Énergie. 6h-9h. Dès demain, 6h. Marco, Jérémy et Frisco vous offrent vos vacances. 2000 euros pour le soleil ou le ski en France. Énergie. Vous retrouvez la météo sur Énergie avec notre partenaire. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. And I'm scared, yeah, I'm still scared. That is all a dream. Perfect as days go by, even the worst ones, you make me smile. I'd stop the world if it gave us time. 'Cause when you love someone like I do, you probably never loved someone like I do. All my life I thought it'd be hard to find the one till I found you, and I find it bittersweet. 'Cause you gave me something to lose. When you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone, and you're not afraid to lose them, you probably never love. Appelle Vince au 0800 23456. 0800 23456. Et délire avec lui à l'antenne. Et en plus, c'est gratuit. Et c'est ça qui est beau. Vince, voilà. Non. Welcome sur Energy, merci, il y a plein de messages qui arrivent là. Je vous ai demandé depuis quand est-ce que vous écoutez l'émission. Je précise qu'on est arrivé sur Energy le 27 août. Ouais. Je me présente, je m'appelle 27 août, merci. Je m'appelle Vince, voilà, animateur. Et puis on s'amuse, on rigole, voilà. Je sais même pas si je suis animateur en fait. Parce que c'est drôle, parce que toutes les personnes qui étaient les animateurs plus vieux que moi m'ont dit, ouais, Vince, c'est pas un animateur radio, je trouve pas qu'il est animateur radio. Ça et veut tout. Dire quoi ça, ça bah, dire quoi genre de la haine, tu vois, de la haine gratuite. Ah. Mais donc, du coup, je sais pas, moi je fais une blague avec ça en me disant, bon, bah c'est que je suis pas animateur. Et du coup, t'es quoi? Bah, je viens, je parle dans un micro. Voilà, c'est tout. Présentateur. Exactement. Présente, t'imagines, bonsoir, bienvenue sur Energy aujourd'hui, et la température. Entertainer. Ouais, on est là pour se marrer. On est surtout là pour se marrer, c'est votre pote qui prend le micro, les amis, ou votre grand frère, ou votre petit frère, c'est comme vous voulez. Il y a Nigel qui est là, c'est le bâtard de l'émission. Ouais, malgré lui. D'ailleurs, je vous encule tous. Voilà, il a ce côté un peu Sébastien qui est passé il y a quelques minutes. On a Lara également, Lara. Bonsoir. Qui est avec nous. Lara, c'est votre grande sœur, c'est votre culture générale de cette émission. Elle sait absolument quasiment tout sur tout, sauf l'actualité. L'actu, elle ne se renseigne pas trop sur l'actu. Voilà. Je m'en fous. En musique, elle sait beaucoup de choses. Et puis vous avez également Thibaut, il est roux. Et vous avez Eddie, Eddie qui est au standard aussi. Eddie qu'on appelle le glorieux. On l'appelle pas comme ça pour rigoler parce que c'est son nom de famille. Ils sont au standard et c'est eux qui décrochent à vos appels, les amis. Bon, ce soir. On lance la friendzone, mais d'abord, il y a eu beaucoup de messages. Je les check en rapide. Damien, merci Damien pour ton message. Vince, moi je te suis depuis bien bien longtemps. Donc je précise, on a démarré le 27 août. Là comme ça, ça fait maintenant bientôt 2 mois qu'on est lancé dans cette émission, 1 mois et demi. Vince, moi je te l'écoute depuis quelques semaines. C'est Geoffrey. Oh, c'est marrant. Un Geoffrey qui m'a écrit ce message. Sabir qui m'a envoyé un message vocal. Ouh là là, il va être long. Hop, ça dit quoi, Sabir? Oui, salut Vince. Donc voilà, moi je t'écoute depuis le... Le Keep It Real. Wow! Je m'y attendais pas. Depuis là, je te suis. Waouh! Et voilà, donc voilà. Eh ben merci mon pote Keep It Real, c'est la première émission que j'ai faite sur une radio nationale en... ouais. Qui était hip-hop R&B. Que j'ai voilà. Écouté aussi. Ah putain, c'est dingue. Je m'attendais pas à ce qu'on me dise ça, franchement, je m'y attendais pas. C'est pour ça que je suis là. Putain, cette émission était écoutée quand même, je pensais qu'elle n'était pas ouais. Écoutée. Quand j'ai passé l'entretien avec toi, tu m'as dit, t'as écouté quoi comme émission? J'ai dit Keep It Real, tu m'as dit. Tu es engagé. Ah non mais de ouf, je l'ai kiffé trop ce truc. Alors Vince, depuis ton ancienne radio, Vince, moi ça fait super longtemps, 2 mois plus ou moins. T'imagines David qui m'a écrit ça. Vince, depuis ta première émission sur Énergie, eh ben merci d'être là Isabelle et merci d'être encore là en ce moment. Ça fait vraiment plaisir. Vince, moi j'écoutais la concurrence, mais je t'écoute depuis que t'es arrivé sur Énergie. Ah bah c'est cool mon pote, bienvenue à toi. Ouais. Vince, je t'ai connu sur ton ancienne radio aussi. Je t'ai découvert il y a 1 mois de la part de Titi. Oh. Eh ben bienvenue Titi, bienvenue dans cette aventure. Franchement, merci aux anciens, merci aux nouveaux, ça fait vachement plaisir. Dempseyo les amis, moi je vous écoute quasi depuis le début, fin août, début septembre, gros bisous. Et bah Dempsey, bienvenue à toi aussi encore. Mais Dempsey, il envoie souvent des messages en plus. Je t'écoute depuis 2 ou 3 semaines, depuis que je fais que des nuits au taf, Phil. Leila qui me dit, Vince, je t'ai connu grâce à mon pote DJ Antoine V quand tu as mixé à Ornu. Oh putain, mais ça, Antoine V en plus que je salue aussi, effectivement. Salut Vince, je peux savoir comment on fait pour écouter l'émission d'hier soir. Bientôt disponible a priori sur le... Energy.be. Après, on va bientôt. On y travaille depuis longtemps, depuis très longtemps. Depuis ta première émission à l'époque, ancienne radio. Vince, je t'écoute depuis que la Rabelle Rose est arrivée sur l'ancienne radio où tu étais. Ah merci beaucoup. Bonne soirée, c'est Maël de France. Elle a ramené grave des gens. Ouais, complètement, on dirait. Hein. Salut Vince, bonsoir à toute l'équipe. Ça fait 5 ans et demi, je t'ai découvert. Je suis super content de pouvoir te réécouter aujourd'hui. Vous gérez. Eh ben, merci. 0492-222-002. Vince, je t'ai découvert hier et j'ai accroché. Maintenant, je t'écouterai tous les soirs. Adieu ma télé. Oh, oh putain. Et franchement, me dire ça, vous n'avez pas idée à quel point ça me touche. C'est incroyable ça. T'as lâché la télé. C'est... Tant mieux, cool. Enfin, moi, je regarde pas la télé. La télé, comparé à ce qu'on propose, je sais pas. Oh, pas Vince, je t'écoute depuis 2014. Daphné, Vince, ça fait 2 mois et je la regrette vraiment pas. Depuis le début, hein, je regrette pas d'avoir découvert Energy et d'écouter Lara, Vince et Nigel. Valérie qui me dit, Vince, mon mari est complètement fan de toi et tes voyages au Japon. Waouh! Ah ouais, non, parce que pour ceux qui connaissent pas Vince, qui le découvrent, ouais, je suis fan, Vince est un grand fan du Japon. Je suis ouf du Japon. Et de Dragon Ball et tout, là. Grave, ouais, les mangas. Quand tu parles des voyages que t'as fait au Japon, en fait, on est avec toi. Ça a changé ma vie, le Japon. Ça a changé ma vie. Ça fait plaisir que vous me disiez ça. J'espère, je souhaite un jour, je sais pas comment, mais vous invitez tous là-bas. C'est vrai? Ça coûte cher le vol, hein. Rendez-vous avec le boss. Ouais, grave, faudrait qu'on lui demande un. C'est genre de team building de non, fou. Non, mais attends, t'imagines une émission en direct du Japon? Du Fuji! Ouais, mais alors avec des du auditeurs. Fuji. De, sur le sommet du Fuji. Oh là là, mais c'est Fuji. Nous les auditeurs. j'écoute depuis la fin des vacances. Vous êtes trop cool. Signé moi. Bah, merci à toi. Wow. Moi, depuis le 27 août, Pierre, j'écoute depuis 3 mois depuis que j'ai commencé mon taf de nuit et vous me faites tous poiler, sauf Nigel. depuis le 27 août, voilà, il a rétorqué après. Quentin, depuis 2013, je t'écoute. Il y a Jas qui m'a envoyé aussi un message. Là, Jas, ça dit quoi? Je t'écoutais depuis longtemps. Ah bah merci, voilà, je voulais dire que je t'écoutais depuis longtemps, ça fait plaisir. Adrien, il y a beaucoup de messages, hein, c'est galère, hein. Vince au début, Dominique, Eva en 2013. Waouh, il y a vraiment beaucoup de messages, je suis dépassé, c'est incroyable, il y a plein de nouveaux aussi, bah merci. Vraiment merci, merci beaucoup, ça nous touche beaucoup. Et rapidement, anecdote, on me demande, parce qu'il y a eu 4-5 messages qui sont arrivés par rapport à ça, on me demande Fanny est où? Fanny était avec nous en début d'émission, pendant 3 semaines elle était avec nous, et comme vous étiez 4-5 quand même à avoir posé la question, bah, je vous en parle quand même. 4-5, il y en avait 2. Hein. Non, il y en avait 4-5, là sur les messages, j'ai vu le truc arriver, donc j'en rapidement avant de lancer Martin pour la friendzone. Elle avait des trucs personnels à régler, donc du coup elle a décidé d'arrêter parce que voilà, pas qu'elle kiffait pas, mais parce que je sais pas, il y avait un truc avec sa life et elle voulait se concentrer pleinement là-dessus. Visiblement c'était important et ouais, on s'est pas permis non plus de creuser trop davantage. Ouais, non, mais elle devait faire des vidéos du coup. Voilà, en tout cas bon vent à elle, que tout se passe bien et bon courage. Bon, Martin, qu'on récupère. Martin, tu nous reçois? Enfin. Parfait. Qu'est-ce qui se passe, Nigel? Musique, monsieur, musique. Musique, je dois passer à musique maintenant. Ah t'es ouais, sûr. Maintenant, frérot. Mais pourquoi pas, vas-y. Mais parce que sinon, après, ça trop de temps. Si la loi. Hey, si la loi de la Martin, musique. Martin, je t'explique. On m'a filé des sons dans ma playlist, là. On m'a mis un en plus, tu vois, et je dois le jouer parce que, voilà. Ça, c'est normal. C'est des bons sons, tu vois. Mais du AKR, alors, tu veux mettre des sons. T'inquiète, dis-le au moins. Du AKR. C'est quoi AKR? Je ne connais pas AKR. AKR, mon étoile sur YouTube. C'est un pote à toi? Non, c'est moi en personne. Voilà, je m'en doutais. Malin. Il est malin. On verra ce qui va se passer avec la friendzone. On va appeler Margot dans quelques instants. Voilà, Margot, dans deux secondes, là, c'est ta meilleure pote, c'est ça? Non, en fait, non. À la base, je voulais appeler ma meilleure pote. Mais j'ai appelé sa mère et tout, et elle répond pas. Donc, du coup, on va appeler qui, là, alors? Du coup, je vais appeler la meuf d'un de mes potes. Mais attends, Martin, il faut que tu comprennes un truc. Il faut que tu comprennes un truc. La friendzone, c'est quelque chose de sérieux, c'est pas une blague, c'est pas un canular, c'est pas un prank, tu vois, un prank. Eh ben moi, je vais faire, écoute. Martin. Attends. Ouais, d'accord, je veux bien, mais tu vas m'expliquer ça en antenne, parce que j'ai le son qui est parti derrière d'Inoro. Mais vas-y. Là, t'es en train de me changer les règles de la friendzone. Et la friendzone, c'est un truc sérieux qu'on a dans l'émission, tu vois. T'as fait autre chose. Eh ben, je te promets que j'ai changé l'antenne, là. On va voir. D'Inoro, In My Mind, bienvenue sur Energy. Bienvenue, on arrive tout de suite. Ce soir. Bon. Tant qu'on est bien assuré. Vince, 21h minuit sur Énergie. Ah, qu'est-ce que c'est bon d'être là sur Énergie là, 23h45, on a le mot de la fin. pour repartir avec vos cadeaux. Alors j'en prends la liste des cadeaux, le listing. Putain, j'ai failli faire tomber mon téléphone. Et il est à deux doigts de se péter la gueule. Listing des cadeaux. Alors ce soir, on a encore, grâce à Manga Brussels, merci à eux. Purée, heureusement, ils sont là, ils pensent à nous, ils sont cool. Ils pensent à eux aussi, hein, bien sûr. Il faut bien, il faut dire où est-ce que ça se passe, hein, les leaders en termes de manga et tout. Si vous kiffez la culture manga, que ce soit les anciens, l'old school ou le new school, allez voir le magasin Manga Brussels. Ils ont des figurines de ouf, des mangas de ouf. Donc allez mater ça, hein. Franchement c'est très intéressant. Et ils nous ramènent toujours des figurines, des BZ, Naruto, One Piece. On a des GoPro également à vous offrir ce soir. Des jeux Xbox One et PS4. Je sais qu'on dit Wolfenstein il me semble. Et j'ai appris que parce qu'on m'a demandé, Vince, tu offres quand le coffret collector là, de Game of Thrones avec toutes les saisons. Elle a déjà été offerte, hein. Comme ça, voilà, comme ça vous le savez. On aura d'autres trucs à vous offrir encore. Donc vous inquiétez pas pour ça. Et merci pour tous ces messages qui sont arrivés en masse ce soir. Franchement ça fait plaisir. Yuri là, tous les jours tu dis qu'il y a des cadeaux mais tu appelles jamais personne, mort de rire, tueur. Ah mais Yuri, il y a tout... Attends, là je suis pas d'accord, on appelle des gens à l'antenne, mais il y a aussi beaucoup d'appels qui se passent hors antenne, je tiens à le préciser, ça c'est très important de le signaler. Donc voilà, comme ça tu sais. D'ailleurs Yuri, je crois que je devais faire la promo de ton Insta il me semble, donc redonne-moi ton Insta, comme ça je peux le balancer à l'antenne. Bon alors du coup, je suis en train de galérer, Lara, je sais pas si t'as remarqué. Ben mais... oui, parce qu'on a un auditeur qui a complètement changé les règles du jeu. Il vient, il change tout là. Ouais, alors j'ai décidé maintenant, Vince, que ton émission commence à 20h. C'est comme ça. J'adore. Bon, Martin, qui est un auditeur très fidèle, passe à l'antenne, il doit faire une friend zone. Nous, la friend zone, parce que des gens qui disent ouais, allez-y appeler, ça va être drôle et tout. Je vois ça sur le WhatsApp là. En fait, la friend zone, c'est un vrai truc. C'est-à-dire qu'en fait, si t'es amoureux de ta copine ou amoureuse de ton copain, genre ton meilleur pote, ta meilleure pote. T'appelles l'antenne, tu le dis à l'antenne, et si jamais la personne en face a pas de sentiment pour toi et veut rester amie ou n'importe, nous on dit que c'est une blague, genre pour te sauver la mise. Voilà. Ça c'est le principe de la friendzone. Le kiff ta mère c'est autre chose, ça c'est un vrai canular, c'est genre on se marre. On est d'accord. Mais la friendzone c'est sérieux. Quoi. Ah non, il y a tout un truc derrière. Hein. On lui dit Vince, la friendzone c'est le pire truc au monde. Ah bah oui, mais quand tu la vis. Et donc du coup nous on aide des auditeurs à en sortir. Des auditeurs et des auditrices d'ailleurs, hein, qui ont des sentiments pour leur meilleur ami et tout ça, qui n'arrivent pas à l'avouer. Et nous, on a une sorte de test. C'est-à-dire qu'on passe on vous fait passer à l'antenne, vous appelez pour avouer vos sentiments. Et si ça passe, tant mieux. Voilà. Et on est content. Et vraiment, c'est. Et si c'est pas ça, c'est une blague. Mais là, Martin, il appelle en disant ah non, j'ai appelé ma meilleure amie, elle répond pas. Donc en fait, je vais appeler une autre amie et je vais lui faire la friendzone. Bah non. Non, c'est pas comme ça. C'est pas pour se moquer des gens. Non, en fait, il a voulu nous troll, hein, c'est juste ça. On l'a plus en ligne là. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu as lui parler. Mais il a voulu nous troll. Il m'a dit c'est un auditeur fidèle. Un auditeur fidèle, il troll pas. Ouais, non. Il n'est pas 22h22. Il n'est pas 23h23. Mais il est l'heure de faire le mot de la fin. Mais regarde, il est 23h47. T'avais dit qu'à 23h45, il y aurait le mot de la fin. Mais je suis déçu, on l'a plus quand même. On peut pas en discuter. Même pas. Oh, quel dommage. Oui, non, t'as raison, hein. Voilà, Vince, c'est quoi ton Insta? C'est Vince Radio. Et d'ailleurs, ajoutez Yuri _ aesthétique, A-E-S-T-H-E-I-T-I-C. Yuri aesthétique. Il a l'air de faire des trucs très sympas, là. Je vais checker ça tout à l'heure, là. On va redonner ça demain. Vince, merci d'avoir lu mon message. Ça me fait super plaisir. Ça fait des années que j'essaye d'envoyer un message à la radio Énergie. Eh ben, voilà, c'est fait. T'as vu, on l'a lu tout de suite. Et je rappelle que je reprécise que le WhatsApp, il est gratuit. Mesdames et messieurs! Des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Des cadeaux? Des cadeaux? Des cadeaux? Des cadeaux? J'espère que vous êtes prêts, les amis, on va jouer au mot de la fin. Quelqu'un me dit, Vince, c'est quoi ton snap? Vince Radio. En fait, c'est Vince Radio pour tout, VINZ et Radio. Il y a encore des gens qui utilisent Snapchat. Bon, vas-y, si, il est tout jeune, il est tout jeune. Oui, ceux qui reviennent, ils disent « Oh, Snapchat, ben non, c'est pas passé. Mais... » Dis-nous si vous êtes plus Insta ou Snap. Je suis curieux quand même. Instagram ou Snap ou aucun des deux, peut-être. Ou Facebook, éventuellement. Ouais, peut-être. Facebook et leur algorithme de merde. C'est incroyable. Facebook, ils nous ont eu. Hein. Et je dois préciser un truc pour les auditeurs qui ne le vivent pas, mais putain, nous, on essaie d'envoyer des messages à tout le monde. Tu sais, quand tu mets un post, genre « Salut, comment ça va ?» Et en fait, Facebook fait en sorte que personne ne le voit. Mais attends, j'ai une question. Et le seul moyen que les gens le voient, c'est que tu payes. Bah, j'ai pas envie de donner de l'argent à Facebook, ils sont fous, quoi. Ouais, non, mais c'est un truc de ouf. Ça, tu sais qu'il y a des trucs comme ça, pour moins que ça, il y a des enseignes, etc., qui proposent évidemment une marchandise, une vraie, matérielle, mais qui se font avoir par la Cour européenne de je sais pas quoi en disant « Oui, c'est une arnaque, c'est une arnaque. » Mais Facebook, Trop puissant. Mais ils se sont foutus de notre gueule. Mais ouais, parce qu'ils te disent, ouais, vous avez touché autant de personnes, mais qu'est-ce que t'en sais? Non, ça déjà. Déjà, les chiffres, tu peux les. Hey, c'est, plus, un, c'est, début, c'est numérique. Hein. Au ouais, début, bah oui. ils ont changé leurs conditions d'utilisation en cours d'abonnement avec eux. Parce que tu crées un truc, ils te disent, oui, crée. Mais ils changent tout le temps. Hein. Oui, mais est-ce que ça, c'est normal? Bah, c'est les states, voilà, c'est un peu. Tu sais, quand ton truc est puissant, tu dois un peu fermer ta ouais, gueule. Ouais, mais c'est pas juste. Et ils vont avoir des problèmes, là. Je sais pas si vous avez appris. Il y a encore eu des problèmes avec Facebook. D'abord, il y a eu le Cambridge Analytica avec c'est plein de données, des données de gens qui ont été des données privées. Ah, mais ça, c'est le truc pour lequel il avait été. Il a été à la Commission européenne et il a été au Parlement américain. Sauf ouais. que. Il y a eu une autre faille qui a été découverte chez Facebook, donc il va avoir des problèmes. Et une faille qui a été découverte chez Google, et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez appris. Quoi dans la faille chez Google, Google Plus, il y a aussi des millions d'utilisateurs dont les données privées ont été récupérées. Wow. Et donc, du coup, Google a été malin, et ils se sont dit, ah ben on va fermer Google Plus. Ils ont fermé Google Plus en fait. C'est peut-être une. À c'est mon avis, c'est une excuse. C'est une excuse parce que ça marchait pas. Ça marchait tellement pas. En fait, si, ça marchait, mais pas pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que pour avoir un compte YouTube, tu dois avoir un compte Google Plus. Non, il y avait moyen de risquer ça. C'est vrai, il y a une technique. Oui, bien sûr, bien sûr. Ah, malin, ça. Incroyable. Enfin, bon, bref. Regardez, on m'a envoyé Snapchat, Snap, Insta, Snap, Vince. Oh putain, pas mal, Titi, ton mot de la fin, là. Instagram, moi, je suis plus Insta. On a plus d'Insta, quand même, qui arrive. Bon, les amis. Donc, vous voulez pas nous follower sur Insta, vite fait? Mot de la fin. J'ai un mot en tête. La première personne qui trouve le mot gagne ce soir. On rappelle que le classement. Est très clair. Oui. Nigel, il se présente. Bon appétit. C'est qui mange? L'Arabelle Rose. Mais c'est des dates. Vas-y, donne une date. Donne un peu une date à Vince. Vas-y. Tiens une date, frérot. Voilà, l'envoie pas demain. Oh, tiens, ah, tiens, j'ai date. Compris la blague. Merci. Elle arrive dans mes mains. J'ai compris la blague. Merci. Moi aussi, bien demain, joué. Date. Ah, c'est bon. Mais c'est délicieux et on a mangé tout le paquet. Tu sais, on était là. Oh, c'est hyper calorique. Il faut en manger qu'une ou deux. Ah, putain, c'est sucré à mort. On en a mangé 10 chacun. Ah, c'est trop sucré, merde. Tu sais plus ce que je disais? Ah ouais, Nigel. Mm-hmm. Il a deux victoires à son actif. Ce connard. Yeah. sur deux jours. Deux victoires, donc il va falloir quelqu'un d'autre gagne ce soir en aussi. En vrai, hein. J'avais un 3 sur 3, mais on a décidé de m'enlever ma victoire de la dernière fois. Voilà. Arrête, fais pas ta larade. Oh, Nigel. Ouais. Nigel. On a Thibaut qui va jouer avec nous. Ça va, Thibaut, toujours tranquille? Ouais, super tranquille. Et Eddy aussi va jouer avec nous. T'es prêt, Eddy? Moi, je suis toujours prêt, je suis né prêt. Bon. Et je serai toujours prêt. Oh, c'est bon, ça. Il fait grave l'ancien. Je précise un truc. Là, c'est quasiment tout le monde contre Nigel ce soir. Hein. Trouvé avant lui. Hein. Ah non, mais faut absolument. Mais non, hier, il a vraiment eu un coup de génie avec ce mot génie. Ouais. C'était ouais. magnifique. Franchement, il faut l'applaudir. Franchement, bravo. Hier, le mot de la fin, c'était génie. Et il a sorti comme ça en étant tellement pas sûr de lui. Il est sorti de nulle part, ce truc. Il a fait génie. Et tout d'un coup, il a trouvé. Alors, il y a Asia qui va jouer avec nous. C'est la première fois qu'elle joue avec nous ce soir. 0492-222-002. Tout le monde peut y jouer sur WhatsApp. 0492-222-002. Vous ajoutez Vince à vos contacts. Et là, c'est parti. Vous pouvez discuter avec nous. Ou si vous préférez, le 3018. Il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas WhatsApp, 3018, c'est 25 centimes le SMS. Attention, ouais, WhatsApp, c'est gratuit. Je lis vos propositions, les amis. Non, justement. Tu reviens ici. Alors, hier, ça t'a porté chance, donc tu reviens. Elle est maligne, elle est maligne. Bah alors, c'est Vince qui lira. Ça va, je vais lire, pas de problème. Allez, on se met en place. C'est bon, tout le monde est en place? Et juste allume mon micro de l'autre côté. Non, éteins-le. Voilà, c'est bon, c'est fait. Qu'est-ce qu'on rigole, mais qu'est-ce qu'on rigole dans cette émission, c'est incroyable. Et qu'est-ce que vous faites de votre vie, Henri? Attention, c'est bon, j'ai un mot. Et le mot est pas mal. Ah ouais? Attention. Je vérifie rapidement la signification du mot pour être sûr de ne rien manquer. Qu'est-ce qu'il y a, toi? C'est un mot qui a été proposé par Titi. C'est un mot compliqué ou pas? C'est la danse d'Oum Titi? Je peux pas dire compliqué. Reste la démarche comme Samuel Titi. Allez les rouges, allez. Voilà. Non mais je remixe, hein, parce qu'allez les bleus, je vais pas dire allez les bleus, je suis en Belgique, t'es ouf ou quoi? Allez les bleus! Non, Anderlecht représente, Diable Rouge représente, t'es dingue. Allez les mauves. Voilà. Normalement, Vince, ici on dit allez les rouges. Hein. Ok? C'est le standard, ça. Ouais. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Proposez vos mots à partir de... Maintenant, on y va. Il faudrait que je mette une petite musique. Ah, j'aime bien dire la musique de Hook. Ah, mais Vince, d'habitude, tu dis si c'est un mot expert, tout ça. Là, c'est quoi comme mot? Franchement, je sais pas dire. Je sais pas vous dire. C'est... C'est rien du tout. C'est expert et en même temps, c'est facile. Ouais, bon, on y va. C'est parti. Let's go. Ouais, moi, je propose un objet. Eh ben, c'est froid. Ah, merde. Objet, c'est froid. L'espace. L'espace, c'est froid. Thibaut. Une voiture. Mon quadrille. Hein. Brûlant. Oh, c'est une voiture. Brûlant. Brûlant. Eh, c'est brûlant, j'ai brûlant. Voilà, déjà, ça enlève plein de mots que je devais lire et que je ne dois plus lire parce qu'ils étaient hors contexte. Attends, alors là, c'est brûlant. Mais non, tu peux les lire parce qu'on peut construire notre pensée avec les noms aussi. C'est les vrai. Trucs qui sont froids. Alors j'y vais. On m'a proposé un métier. Bah, métier, bah, c'est chaud, oui. Ah, donc voiture, métier. Voiture. On a peut-être une petite idée. Métier, voiture, je le note. Et métier, c'est chaud. On m'a envoyé, ouais, bah, du coup, tout le monde remet à jour, donc j'ai plus les anciens mots. Un volant brûlant, bah oui, bon, c'est chaud, mais oui. Voiture est le plus chaud. D'accord. Véhicule, voiture est le plus chaud. Camion, voiture est toujours le plus chaud. Taxi, voiture est toujours le plus chaud. Moteur brûlant. Hein ? Moteur est brûlant. Et le moteur, généralement, c'est brûlant. Brûlant. Taximan, c'est froid. Un chauffeur. Oh, brûlant, chauffeur, oh mon Dieu. C'est une blague. Chauffeur est brûlant. Et ça va vite ce soir. Si c'est un mot facile, je suis mort. Chauffeur est brûlantissime. Attends, mais vous vous rendez compte qu'on va peut-être terminer à minuit ? C'est incroyable. Non mais par contre, si le mot est trouvé avant genre 57 ou quoi, je serais mort. Hey, tu commences pas à faire et maintenant on va faire autre chose. Ouais, commence pas. Ah, maintenant je voudrais écouter une chanson. Attention. On m'a envoyé taximan, mesdames et messieurs. C'est froid. Livreur, c'est froid. Chauffeur de taxi, c'est froid. On cherche un mot, hein. Un mot. T'es même un diligent. Je précise. Donc dès qu'on m'envoie un truc en trois mots, je lis pas. Attention, c'est important. Je ne lis pas ce qui est proposé en trois mots. Sécurité, c'est froid. Tuning, brûlant. C'est une blague. Tuning est brûlant. Le mot c'est kéké. Attention. Voiture est chaud. Oh métier. God. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Voiture, métier, moteur, chauffeur, tuning. Mm. Voiture, moteur, chauffeur, tuning. Nigel. Je sais pas, moi. Moi, je peux pas parler. Excuse-moi, Eddy. Je suis grave pas invité à votre table, en fait. Hein. Pas du tout. Je pensais que t'avais déjà dit. Allez, vas-y, propose. Sport. Brûlant, bravo, bien joué. Et sport. Et les gars, ah ouais, j'espère que vous donnez pas trop de jus à Nigel, hein, parce que là. Donc les mots qui sont chauds, voiture. Je vais les classer par ordre. Voiture, sport. Voiture, sport. Tuning. Voiture, sport, tuning. Mais tuning, qu'est-ce que ça a à voir là-dedans? Bah, comment ça, ça a à voir là-dedans? Mais je sais pas dans tes mots, j'essaie de comprendre ta logique. Bah, tuning, voiture, c'est très proche, mais non? Mais non, mais après, tuning, voiture, genre, c'est large, quoi. C'est large, et du coup. Après, tu dis moteur. Et ouais, c'est toujours le même point. L'autre, il a dit quoi? Sport, il a dit. Voilà, sport, je sais pas moi. Formule c'est quand même clair. Donc, t'as dit quoi? Mais non, mais voilà, tout le monde pense à ça, on est d'accord. Bon, Nigel, tu proposes quoi? Bah, je sais pas, Formule 1. C'est froid. Non, et bah, tu sais quoi, c'est pas mal, mais c'est pas assez froid. C'est froid. Tu vois, Lara. T'as quand même dit sport. Oui, j'ai dit sport. Bah ouais. Rallye, brûlant. Hein? Oh là là. Les rallyes, on rencontre des gens. C'est joli. Attention, m'envoyez. Pilote! Pilote est aussi brûlant, mesdames et messieurs. Pilote est brûlant. Il croit qu'il a. Ah. Je classe les mots par ordre de chaleur. Voiture est le plus chaud, bravo Thibaut, vraiment. Voiture est brûlant. Ensuite, il y a sport. Et puis, il y a pilote, qui est très brûlant. Rallye aussi, c'est chaud. Qu'est-ce tuning. Qu'est-ce qui est le plus chaud dans toutes les plus chaud, voiture, clairement. Voiture et sport, c'est tu le plus chaud. Tu fous de moi. Voiture et sport. Voiture. On m'a envoyé garagiste. Non, c'est froid. Ah, attention, je lis encore les propositions. Préparateur, c'est froid. Rallye, j'avais déjà dit que c'était brûlant, rallye. Rallye encore, c'est brûlant, rallye. Putain, on l'envoie encore. Non, tuning, rien à voir. Ouais, bon, quand même, c'est Titi qui m'a proposé le mot. Titi, excuse-moi, mais tuning. Quoi, Titi? Qu'est-ce qu'elle a? Il y a un peu. Il y a quand même. Allez, sérieusement. Quoi? Je vais expliquer pourquoi que tuning, j'estime que oui, pour ma part. J'expliquerai pourquoi après. Parce que lui dit non, rien à voir. Mais je sais pourquoi. Voilà, mais on va arriver après. Bien joué, Titi. Piste. Ouais, brûlant, piste. Putain, allez, arrêtez. Alors. Me volez pas mes mots, là. Lara, tu proposes quoi? C'est à moi? Ah non, c'est pas à moi. C'est à Nigel, non. Mais non, c'est pas à Nigel. C'est à qui, là? C'est à Eddy, je crois. Excuse-moi, Thibaut. Vas-y, Thibaut. Tu crois que je l'ai. Dis. Autocross. Tu te fous de moi, c'est quoi ce mot? C'est quoi ça, wesh? C'est comme pour les motocross, sauf que c'est avec une voiture. C'est pas c'est jamais ça, oui. J'ai coupé la musique. C'est ça. Ouais, c'est une banane, c'est pas ça. C'est brûlant. Tu sais quoi? C'est pas ça. Bonne réponse. C'est une blague. Si, c'est très sérieux. Le mot était autocross. Le premier auditeur qui m'envoie autocross maintenant, vite. 30-18, les amis, allez-y si vous n'avez pas WhatsApp. 30-18 ou alors 0-4-9-2-222-0-0-2. C'est très très bien, on est content que Nigel n'ait pas gagné. Mais c'est quelqu'un qui t'a proposé ce mot? C'est Titi qui m'a proposé le mot autocross. Ah, donc on a la preuve. Oui, tout à fait. Ah, d'accord. Voilà. Non, mais ça va, voilà. C'est quoi ce genre de mot, autocross? J'ai jamais entendu ça de toute ma vie. Mais là, c'est une forme de compétition comme mobile. Il y a hein. Le motocross et il y a l'autocross. Tu sais que ça, je savais même pas quoi. Alors, je vous explique. Eddy, tu veux dire quoi? En fait, je sais comment Thibaut a trouvé. trouvé, parce que moi je fais des recherches sur internet, je cherche un véhicule là, et c'est, ça a apparu sur internet, on avait un petit peu regardé ce truc là. Ah, vous avez triché? Non, ben non, c'était tout à l'heure, c'était même pas tout à l'heure, c'était la semaine passée. Ah, ok, c'est vrai, mais ça va, m'engueule pas, ouais. Non, je pas ça, et voilà, ça a été trouvé. Autocross, alors, il y a toujours des gens qui me demandent c'est quoi l'autocross. Donc, c'est une forme de compétition automobile qui consiste en fait à faire des courses organisées sur des circuits de terre. Voilà, c'est un sport qui est apparu dans les années 50. C'est des sortes de buggy, vous voyez les buggy? Oui, oui, je vois très bien. Eh bien, c'est ça. J'ai une question. Oui. Quand t'as dit voiture, c'est chaud. Oui, bien sûr, voiture, c'est chaud. Tout à fait. Autocross. Oui. Puis, tuning, c'est super chaud. Bah, j'avais dit. Ouais, non, ouais, attends. À un moment donné, moi, j'ai dit rallye. Je suis désolée, mais rallye, ouais, autocross. C'est brûlant. Ouais. Là, normalement, t'aurais dû faire. C'est brûlant, comme tu le fais d'habitude. J'ai dit c'est que rallye. Chaud. J'ai dit que rallye faisait partie des mots les plus chauds. Non. Les mots les plus chauds, et c'est pas c'est brûlant. C'est brûlant. Arrêtez vos conneries, j'ai dit que rallye était méga brûlant. T'as des codes, c'est-à-dire normalement tu fais c'est brûlant, t'arrêtes la musique. C'est genre attention, pression, ouais. C'est un mot qui sera. Arrête, cette expression aiguë, haineuse là. Non, regarde, en fait, Lara, depuis qu'elle a commencé à noter, elle est devenue à chier. Elle a plus de points là. Ah, tu fais des notes là, tu prends des notes. Mais évidemment. Des notes, je note les classements. Les gagnants, genre là, j'ai marqué Nigel, il a 2 points, lui Thibaut, avec quel mot encore? Autocross. Autocross, effectivement. Foutez de moi. Lara, elle est tout en bas du classement. Bah, appelez-moi quelqu'un qui a trouvé autocross, non, s'il vous plaît. Ouais. Allez-y, venez voir ici, je vais vous montrer qui est la première personne. Hop. En espérant, bien sûr, que voilà, que quoi qu'il arrive. Bravo, Thibaut, dans tout ce bordel. Bravo, frérot. Il n'y a pas des gens qui l'ont envoyé en même temps. Hein. Donc, vas-y, va check un coup là. Alors, sur de Blockboy GB avec Drake, la Local Live, c'est ce qu'on va faire dans quelques instants. Mais Nigel, si je balance le son de Drake. Non, si tu le balances maintenant, il n'y a pas de problème. Mais si, il y a un problème. Le son dure 3 minutes. Le son dure 3 minutes. Balance-le, t'inquiète. On va être coupé par la pub. Hein. Non, t'inquiète. Mais si, puisque la pub, je suis passé par Terra 58. Donc, mathématiquement, en local, on va être coupé. Fais-moi confiance. Mais Nigel. C'est quoi la discussion là? Nigel, je vais moins. Je vous explique. Et qui aura le mot de la fin? Je vous explique. Normalement, je dois balancer une pub maintenant. Nigel, il passe une musique. Mais si je balance une musique, les gens vont avoir la musique qui va se couper. Tu vois, ils vont pas l'entendre correctement. Alors, donc, d'abord la pub, et puis après la musique, et on arrive pour le grand gagnant. Donc, restez avec nous connectés là. Je savais, regarde. Énergie le soir. Oh my god! Ça se passe avec Vince. Dès 21h. Vous retrouvez la météo sur Énergie avec notre partenaire. Avec Big Mat, construire ou rénover par tous les temps. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute, elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine. Je devrais pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire? Une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma bella, hey, aïe, aïe, aïe, aïe. Mon cœur va chez là pour toi, ma bella. Aïe, aïe, aïe, aïe. In my life, now I've seen you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance, now I can't move on. Oh, my girl, so sexy. The way she dance, so sexy. So she give me love, sexy. You making me once more sexy, girl. With your sexy body, come and chop my money, yo. Aye, aye, aye, aye. Oh, yeah, take all my money, put them for your head. Aye, aye, aye, aye. Make we my head, they go, baby girl, so aye, aye, aye, aye. Make you follow me, go make you drop all my money. Aye, aye, aye, aye. Aye, aye, aye, aye. Elle est rentrée dans ma life, et mon cœur, elle a mis game over. Elle pas une autre, c'est dans mes bras qu'elle va trouver le bonheur. Elle est rentrée dans ma life, et mon cœur, elle a mis game over. Le soir, 21h minuit. Du lundi au vendredi, Vince est sur Énergie. Mais oui, donc retour sur Énergie, les amis. Et ça fait un point pour Thibaut. Bravo, Thibaut, bravo. Bravo. Je suis seul qui applaudit pour toi, Thibaut. T'as vu, les autres, ils râlent. Non, je suis grave content pour lui, parce qu'au moins, ça met du suspense demain. Ah ouais, c'est sûr, parce que peut-être qu'il y aura égalité. Hein. Thibaut, attention, faut y arriver, mon pote. Hein. Ouais, c'est important. Essayer. T'as pas réussi à avoir. On est en train de vous appeler aux antennes, les amis. Hein, pour ceux qui ont envoyé la bonne réponse, là. On vous appelle en numéro masqué. Oh là là, c'est incroyable, ça. Bon, bah tant pis, hein, on appelle la deuxième personne. Alors, regarde, tu l'as scrollé vers le bas, Eddy. Va le plus en bas possible. Et normalement, tu les as par ordre. Normalement. Parfois, il y en a qui arrivent en même temps. Hein. Voilà, normalement, je crois que t'as celui-là. Clique dessus pour voir. Et voilà, normalement, ça, c'est la personne qui l'a envoyé exactement dans les temps. C'est bon pour toi, Eddy? On dirait que je parle tout seul depuis là tout à l'heure, en fait. Ouais, non, c'est presque bon, là. J'ai plus qu'à afficher son numéro et le prendre et c'est bon. Voilà, bah, tu cliques sur le côté et tu vas y arriver. Bon, j'avais promis le son de Blockboy GB, et ben, c'est ce qu'on va se faire tout de suite. Et je précise, pour la fin de l'émission, on va se faire un petit délire tranquille. Pas trop long, les amis. Vous allez envoyer des notes vocales. Toutes des notes vocales. Alors, j'espère que je vais pouvoir passer tout le monde. Juste pour dire bonne nuit. Voilà. Je vais mettre une petite berceuse tranquille et vous allez souhaiter des petits messages, des dédicaces. Profitez-en, hein. Vous avez le son, je le mets vite, là. Blockboy GB, là, avec Drake. Ça s'appelle Look Alive. Voilà. Et si jamais vous avez des gens que vous connaissez qui écoutent la radio, profitez-en pour les dédicacer. Ou alors, dites-leur de maintenant se brancher sur Énergie en disant hey, écoute, je vais te passer un message à la radio. Donc allez-y, si jamais vous voulez faire ça à vos potes qui travaillent en ce moment, à vos amis qui sont en train d'étudier peut-être, faites-vous plaisir. Qu'est-ce qui se passe, Lara? Rien. Ah, ok, d'accord. Je pensais que tu levais la main, tu voulais parler. Bon, c'est pas grave. Blockboy GB Drake, Look Alive. Allez-y, notre vocal maintenant. What's up? Shelby Drive, look alive. Niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them, dawg. We gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I spit it with the guys. We up on the other side, niggas acting like we tied. I been gone since late July, niggas acting like I died. They won't be expecting shit when Capo go to slide. Cause I told them that we put that shit behind us, but I lied. Ayy, ayy, look who I'm around, man. If I fucked up, I'ma be downtown, man. Full flow bound, man. That's if I get caught, man. Push me to the edge, so it really ain't my motherfucking fault, man. I'm not to blame, man. This fucking industry is cutthroat. I'm not the same, man. And I could let you check the tag. Now I'm rocking name brand. I'm only chasing after bags. Now I got a game plan. And I'm out here with them whoop 700, 3i5s. Look alive. Niggas came up on this side. Now they on the other side. Oh well, fuck them, dawg. We gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I spit it with the guys. We up on the other side. Niggas acting like we tied. I been gone since late July. Niggas acting like I died. They won't be expecting shit when Capo go to slide. Cause I told them that we put that shit behind us, but I. Bitch, come through. You and you. I'ma get the money. Trizzy, get the loot. My weapon be an instrument, I blow you like a flute. Nigga play so he feeling it. Pull up broad day with the canine shivering. Drop a nigga like he littering. We at the door like we the delivering. He not a plug, he middleman. That nigga brown like cinnamon. I got them round like Sugar Ray Robinson. Shots to the chest, how you gasping for Alma? Spray him, just like Febreze. Came a long way from sitting in the nosebleed. Now a nigga on the floor talking to the athlete. Mind I'm so close to the gun that I can steal the stash sheets. 901 Shelby Drive, look alive. Niggas came up on this side, now they on the other side. Oh well, fuck them, dawg. We gon' see how hard they ride. I get racks to go outside, and I spit it with the guys. We up on the other side, niggas acting like we tied. I been gone since late July, niggas acting like I died. They won't be expecting shit when Capo go to slide. Cause I told them that we put that shit behind us, but I lied. Ah, c'est de la bonne musique, on est bien. Bienvenue sur Énergie. Allez, dernière ligne droite. Énergie le soir. Oh my god! Ça se passe avec Vince. Dès 21h. Vince est dans la. Maison! Oh my gosh! Hey, minuit 8, les amis, le temps pour nous de nous dire bonne nuit. Mais d'abord, j'ai le plaisir d'avoir quelqu'un dans le standard. Allô, bonsoir! Qui est à l'appareil? Je ne connais pas votre prénom, donc je ne sais pas vous signaler votre prénom pour que vous réagissiez. Qui est au téléphone? Allô? Allô? Ah, allô? Super! Bonsoir, tu t'appelles comment? Adrien. Ça va Adrien, tu vas bien? Adrien dans la maison. Adrien. Alors, tu as deviné ou tu l'as envoyé très rapidement avant tout le monde? Ben, je l'ai deviné, mais c'était vraiment au moment où on l'a dit en fait. Eh ben, mon pote, qu'est-ce qu'on a à offrir pour notre ami Adrien ce soir, Nigel? Une compil énergie. Non bah sérieux. c'est super cool la compil énergie. C'est grave cool, non mais bah lui de négocier avec Eddie du Standard ou avec Thibaut hein. D'accord, ok. Eh hey, on laisse les auditeurs négocier, j'adore le truc. Bravo mon pote, c'est gagné. Merci, super. Hey, je tiens à préciser qu'il y a des gros cadeaux. Il y a des gros cadeaux. T'as PS4 ou Xbox, t'as quoi? J'ai PS4. D'accord, bah négocie pour ce qu'il y a en PS4 à gagner, ça va? Yeah. Bah super, la classe. Avec plaisir. Et bonne soirée, bisous à toi, Adri. Également, vous êtes au